Allez, rendez-vous dès demain sur Fun Radio. Yes, ouais, sur Rancard à 20h, on va se bouffer de la pizza là, offerte par le doc. Hein. Bravo, doc. Ouais. Hein, c'est le nouveau bon plan. Et le blaireau qui a appelé. Tu recommences pas demain parce que sinon, moi, je vais te faire payer la facture direct. Non, non, mais par contre. Te la faire bouffer, ta pizza. Mais là, ce soir, on a payé. La prochaine fois, on paiera pas. Hein. Oui. Je vous le dis tout de suite. Hein. Donc, ça sert à rien de faire ça, quoi. Mais c'est vrai que là, on s'est quand même régalé, là. Il en reste encore un petit peu pour l'équipe de Mickaël. Bonsoir Mickaël. Oui, d'ailleurs, si demain ils peuvent faire livrer, mais genre 2 minutes avant 23h, comme eux payent et nous on bouffe. Le bon plan. Voilà. Moi j'aime bien ce très bon plan. D'ailleurs, je tiens à dire à Karel que c'est mal, c'est très mal. Pourquoi ? Parce que je t'ai grillé, t'étais rentré dans les toilettes des filles. Ah oui, c'est vrai. Oui, j'ai fait c'est ça. C'est toi qui pourris les chiottes. Oui, oui. Alors que moi, je vais tout le temps chez les filles parce que c'est plus propre. Mais parce que, voilà. Après, il y en a d'autres qui arrivent chez les filles qui pissent debout et il y en a partout. Alors, attends, déjà, je vais te dire un truc. J'ai pas dit que c'était toi. Attends, j'ai dit qu'il y en avait. Non, mais là, tu soulèves un grave problème dans cette radio. Ouais. Les toilettes du L'état deuxième des étage. Chiottes. Alors, exactement. J'ai autant te dire que ici, je me demande où ont été élevés les gens. Hein, parce que, franchement, l'état des chiottes, les mecs, c'est une catastrophe. Ah ouais, hein. Bah, ils pissent à côté pour voir. Il y a de la merde sur l'abattant. Voilà, exactement. Oh, c'est ça qui est, attends, c'est ça qui est bon. Et alors le pire, bon appétit, Karima. Et je vais te dire un truc, et les filles sont pas mieux dans cette radio, parce que franchement, souvent, moi je pisse au premier ou chez Jérôme Foucret au troisième. Oui, moi aussi, oui. Chez le boss, il est sûr que les toilettes sont propres. Chez le boss, hein, j'ai mes petites habitudes, mais alors les filles, j'ai trouvé des fois des traces de sang au fond du truc. Ouais, ça c'est trop bien. Non, mais j'avoue. Et du caca. Dégueulasse. J'avoue qu'il y en avait tout à l'heure, il y avait une petite trace rouge sur la lunette. Donc, assez crade pour le coup, ouais. Putain. Ah bon, bon appétit pour ceux qui dînent tard. On va avoir un tracker bientôt, comme ça on saura tout. Moi je propose qu'on mette une caméra dans les chiottes pour voir qui est coupable. Ouais. Et tu sais quoi ? Et si je te disais qu'il y en avait une ? Ah bah parfait, ça m'étonne même pas. Ouais. Je veux savoir où est la vidéo, je veux voir qui pourrit les chiottes. J'en ai marre. C'est top, hein, il est là en suivant. Moi je suis là, il n'y a pas besoin de. Voilà, il est là, il n'y a pas de problème. Bon, la merde sur l'abattant, c'est moi. Ah d'accord, c'est dégueulasse. Nous voilà rassurés. Bon, sur ces belles paroles très poétiques, à demain. Et surtout, bon appétit. Merci, Mickaël. Il y a 2h, nous. Salut tout le monde. Ciao. Écoutez, oui, c'est à vous que je parle. Si hier soir, vous avez préféré dormir, regarder la télé ou tirer votre coup, vous avez raté ça. Maxoul, retour. Ouais, Paul, comment ça va? Je t'appelle depuis Bikini Bottom, ce fond de l'océan, chez Bob l'Éponge. Et qu'est-ce que tu fais là-bas, chez Bob l'Éponge? Bah, je suis parti en voyage aujourd'hui et je suis très bien arrivé. D'ailleurs, j'ai emménagé dans une noix de coco. Merci, Maxoul. Ou t'as un doux, toi, Baptiste? Oh là là, va te coucher, toi, là. Non. T'as quel âge? 13 ans. Eh bah, t'es un doux, mais t'as pas encore mué, là. Y a même. Oh, le bouffon, il peut pas parler. Oh, le bouffon. Oh, le bouffon, Baptiste. Oh, le bouffon. Baptiste, souffle dans le téléphone si tu m'entends. Mickaël No Limit, pour rester connecté et ne rien rater. Mickaël officiel sur Facebook, Twitter et tous les soirs en live. Sur Fun Radio. Exactement, bonsoir tout le monde, 23h03, même on n'a pas la bourse ce soir, c'est pas très grave. Hein. Bonsoir tout le monde, soyez les bienvenus dans l'émission qu'il faut écouter chaque soir parce qu'il n'y a qu'ici qu'il se passe quelque chose entre 23h et 2h. Dites-le d'ailleurs à tout le monde, hein, que du lundi au jeudi de 23h à 2h et le dimanche également de 20h à minuit, il se passe enfin quelque chose à la radio et que c'est sur Fun Radio que ça se passe, n'est-ce pas Corentin? Corentin? Ouais, c'est Mickaël. Ça va ou quoi Corentin là? Ouais, ça va. T'es un doux toi aussi, non? Ouais. Ah ouais, toi t'es un doux toi. T'as quel âge? 14 ans. 14 ans. Bon, bah très bien, Corentin. Bah sois le bienvenu. Tu nous appelles pourquoi, Corentin? Pour passer en doux. Ah, tu veux devenir un doux officiel? Ah, d'entrée de jeu, là, comme ça, paf. Bim. Bon, eh bah allons-y, alors je te passe Polo, là, pour devenir doux officiel. Comment t'appelles-tu? Corentin, tu veux rentrer dans l'armée des doux? Tout à fait. Moi qui suis grand maître de la confrérie des doux, je vais pouvoir faire quelque chose pour toi. Mets-toi à genoux. T'es à genoux là? Ouais. Insulte-toi. Je suis une merde, je suis un pédé, je suis moche, pire que toi, frère. Stop, ça suffit. C'était la pire insulte. Ah ouais, là ouais. Maintenant, Corentin, est-ce que tu as ton téléphone dans la main? Oui. Tape-le-toi sur la tête. Stop Corentin, stop. Par les pouvoirs qui me sont conférés par la grande confrérie des doux, je te nomme doux, tu es doux. Et ben voilà. Tu es le doux harnaché comme un âne. Ah voilà, tiens, c'est doux. N'oubliez pas de noter vos noms que Polo vous donne, c'est important. Hein. Donc le doux harnaché comme un âne. Ouais. Très bien. Tu es un doux, bravo. C'est pas mal, c'est pas mal. Hein. Du coup, ça te permet de donner deux dédicaces à la place d'une, si jamais tu veux. C'est pas obligatoire. Hein. Deux, ok. Deux. Vas-y. Bah, je fais une petite dédicace à Tiffen. Ouais. Elle se reconnaîtra, je pense. Et d'accord. À y a Dylan et Quentin. D'accord, ok, très bien. Bon, ben le message est passé. Bon, reste avec nous un petit peu, Corentin, là, Yadia, pour parler avec nous de ce que vous voulez d'ailleurs. N'hésitez pas, hein, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Vous passerez à l'antenne comme ça avec nous. Sandro, ça a été l'aquagym puisqu'elle a mis sa photo du vestiaire sur le Twitter de l'émission tout à l'heure. Hein. Bah ouais, j'ai tenu parole. Elle a tenu parole, oui, mais t'as été jusqu'au vestiaire. Mais est-ce que t'as été jusque dans l'eau? Mais oui, j'étais dans l'eau. Mais en plus, comme par hasard, ce matin, j'ai galéré pour me lever, j'ai failli ne pas y aller. Bah, et je me suis dit, oh non, là, c'est du pain béni pour Mika. Ah bah oui, non, bah attends, mais c'est surtout pour toi là. Bah, mais t'as été à l'aquagym avec une petite bouée ou pas? Mais n'importe quoi. Bah, je sais pas. Est-ce que t'as ton canard? Mais j'ai pied, hein. L'aquagym c'est pas. Ah, j'ai classe. Pied. T'as pied à l'aquagym, hein. Ah, en fait, d'accord. Tu fais un peu de muscu sous l'eau, quoi. Ah oui, un peu, ouais. Ouais, ouais, bah faut pas vite exagérer. Fait, non en plus, deux spies, quoi, voilà. Mais c'est énorme parce qu'en fait, il y a beaucoup de vieilles à l'aquagym. Ouais. Et les meufs, tu les entends parler, mais c'est des barres de rire. Il y en a une vieille tout à l'heure qui disait, ouais, moi mes petits enfants, je les noirais. Ah oui, ah sympa, oui. Effectivement. Mais tu tombes sur des gens sympathiques. Ah, elles sont marrantes, les vieilles. Ah oui, oui, mais en même temps, dans ton bled, ça m'étonne pas. Hein. Bon, bon. Bon, Tof qui attend vos numéros également pour se faire de nouveaux amis. Si vous en connaissez, n'hésitez pas à les envoyer sur le mail de Tof pour ce soir. toph@finradio.fr, comme par exemple celui-là. Oh, bande d'abrutis. Voilà. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Ou même encore celui-là qui est bien violent aussi. Je l'ai déjà culé à ta face de PD, de gay. Comme ça, t'as pas de ride au PD que tu es, t'as compris? Voilà, bon bah si vous en connaissez justement des amis aussi sympathiques que ceux-là, vous n'hésitez pas évidemment à faire partager ça sur le mail de Tof, on les appellera d'ici une petite vingtaine de minutes. toph@finradio.fr. Polo qui attend toujours plus de doux, hein, il y a nouveau ce soir Corentin donc qui vient de débarquer dans la nouvelle confrérie des doux. Toujours là Corentin? Ouais ouais. Bon, t'as envie d'écouter un son en particulier ce soir ou pas toi Corentin? Non, si t'as une idée ou pas, non, bah sinon j'ai Katy Perry nouveau avec Birthday. J'aime bien quand elle fait Allez, vas-y. Allez, vas-y. Bon, très bien. Je passerai également tout à l'heure le son de Pitbull. Voilà, Pitbull avec We Are One, mon son préféré d'Avicii. Et puis, est-ce que tu connais Madame Pavoshko? Non. Et si je te dis ça? Madame Pavoshko, non. Ah bah non, j'ai jamais entendu. Ah, tu connais ou pas? Ah quand même, Black M qu'on écoutera tout à l'heure, hein, Madame Pavoshko. Si vous avez envie d'écouter un son en particulier, vous demandez avec l'hashtag et Mickaël. Il y a Ludovic qui dit salut l'équipe, ça fait 3 semaines que je vous écoute et j'ai pas encore eu le message de bienvenue. Comment ça? Ah bah alors. Je te mets de l'acide dans ton cul moi. Bah voilà, tu l'as eu ton message de bienvenue Ludovic. Bienvenue justement. Et Marinette, coucou mes chouchous, je vous adore. Mais nous aussi Marinette, on te fait des bisous. Mamie également qui dit qu'est-ce qui est mieux que le sexe, c'est Mickaël. Ah écoute, je sais pas, après ça dépend ce que t'as déjà eu comme relation sexuelle et avec qui. Parce que moi à choisir. Bah c'est ça, mais bon bah bref, vous pouvez venir, y'a pas de problème. Hein. Si vous trouvez que c'est mieux, c'est avec grand plaisir. Bon Corentin, salut à toi, passe une bonne soirée. Hein. Ouais, merci. Et à bientôt. Ouais, Corentin. Tu vas un petit oui, tu vas gérer ça avec Sandro Standard, je te la repasse tout de suite. Ok. Salut, à bientôt. Salut. Allez, ciao Corentin. Il y a Pierre qui est avec nous pour la colle et qui va peut-être repartir avec un iPad mini, voilà, c'est ça. Et Pierre de Chamois en Meurthe-et-Moselle, ça va toi? Ça va Pierre? Chamois, avec un R. Chamois, avec un R, exactement. Coucou tout le monde. Eh ben, coucou salut. Tout le monde, excusez-moi. Eh ben salut à toi Pierre. Alors, t'as une colle toi à poser, ça tombe bien, oui. On est là, on écoute, nous sommes toutes oui. Si vous trouvez la bonne réponse, si vous passez à l'antenne et que vous donnez la bonne réponse, vous gagnez. Dans le cas contraire, c'est Pierre qui part avec l'iPad mini. Vas-y, fais péter la colle, on t'écoute. Alors, je peux être très salé, mais sans moi, la musique n'existerait même pas. Qui suis-je? Moi, je sais. C'est quoi? La bite. Ah, la bite, non? Ah non, c'est pas possible. Pas de chance. Pourtant, moi, j'y croyais à la bite de sel. Bah non, mais peut-être. Peut-être un jour. Bon, je peux être très salé, mais sans moi, la musique n'existerait pas. C'est ça? C'est ça. D'accord. Bon, si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. Vous envoyez Mickaël et la réponse au 64 900 par SMS ou alors au 63 22 depuis la Belgique. Et vous pouvez jouer. Je vous mets la colle sur le Facebook dans une minute, même pas, dans quelques secondes. Sur le Facebook de l'émission, vous tapez Mickaël officiel pour venir nous rejoindre. Tu voulais dire un truc? Je voulais. C'est possible d'écouter un petit son? Ça dépend, qu'est-ce que tu veux? Black M, sur ma route. Ah non, mais j'ai déjà prévu Madame Pavoshko tout à l'heure de Black M. Oh, dommage. Ah bah ouais. Ah bah oui, mais tu m'aurais demandé avant, je t'aurais dit, mais là j'ai déjà prévu Madame Pavoshko. Bon bah demain, j'aurais essayé. Bon bah t'auras essayé. Demain, oui, déjà grave, essaye demain. De gagner, hein, puis après on verra. Oui, non mais. Voilà. C'est sûr, je vais gagner. Et après tu verras. Après tu verras. On donne la réponse avant minuit 30. Allez-y, okay. Maniez-vous, tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Bon, à tout à l'heure Pierre, on te récupère évidemment plusieurs fois avant la fin de l'émission. Merci. Ça tombe sous le sens. Tiens Pierre, attends, reste là deux secondes, tiens. T'es attaqué là. Toi, t'as 24 ans, c'est ça? 24 ans. Donc fini les études, tout le bordel. Exactement. Bon, est-ce que tu avais des... ouais, parce qu'on arrive dans la pire étudiante, dans la pire période pour les étudiants, c'est les révisions évidemment. Hein. Oh, donc, les je vais vous mettre une vidéo d'une meuf. Bah ouais, je vais vous mettre une vidéo d'une meuf aux Pays-Bas qui essaye de déconcentrer les étudiants dans une bibliothèque et le résultat n'est pas le même sur tout le monde. Alors moi j'aurais été totalement déconcentré. Ah ouais, grave, les choses. Hein. Ah, non, pas du tout. Moi, j'ai mais tu sais pas, t'as pas vu la vidéo. J'ai assez de ma petite amie, moi, ça suffit. Ouais, arrête ton cinéma, c'est parce que t'es en train d'écouter. Arrête, t'es un mec comme les autres. Hein, non, l'écoute pas. Mais non, mais et cela dit, moi, je comprends pas les mecs qui se mettent des barrières. Pas, je dis pas que tu dois tromper ta meuf, hein, mais c'est juste que quand t'as une jolie fille, pourquoi tu la regardes pas? Elle est là, regarde-la, elle est jolie. Ah non, mais moi je suis un homme, je suis fidèle jusqu'au bout, moi. Mais peu importe, je suis fidèle aussi, mais ça m'empêche pas si je vois une fille jolie de la regarder. Il y a l'exemple, oui, de la voiture. De la voiture. Je sais pas, t'avais pas un exemple avec une bagnole à chaque fois? Ah oui, non, bien sûr. C'est pas parce que tu roules avec une, avec, j'en sais rien moi, avec une voiture, une, je veux dire, j'en sais rien moi, une Renault Laguna que tu peux pas regarder une Porsche passer. Exactement. Voilà, tu la vois, tu te dis putain, elle est belle ouais. Porsche et tout. Voilà, tu peux t'imaginer au volant et tout, tu vois. Ouais, surtout que maintenant que j'ai appris que pour le prix d'une Laguna, tu peux avoir une Porsche. J'ai pas le permis, donc c'est bon. Ouais, enfin bon, c'était un exemple. Oh là là, il est chiant, celui-là. Il faut toujours qu'il donne son avis sur tout, là. Casse-le, t'en as pris une, tiens, il y a coup de pelle aussi, tiens, voilà. Bon, allez, et ben comme ça tu restes au standard, voilà, tu bouges pas Pierre. Ok. Allez, si vous voulez parler avec nous, bah appelez-nous 01 42 48 5000 et 02 851 4x0. Et venez nous parler de vos techniques également pour étudier et garder la pêche pendant les révisions. Et puis pendant les examens également, hein, comme ça on partagera les bons plans pour les révisions. Et surtout, venez nous dire si vous prenez des produits dopants. Parce que j'ai vu qu'en Suisse, apparemment, ils sont un peu lents. Oh. Et du coup, un étudiant sur 7 prend des substances pour augmenter les performances. Alors, ça peut aller à des plantes. Bon, ça va, c'est bien. Des médocs spéciaux, tu vois. Et puis ça va aussi à l'exta ou à la coke. Hein, donc, le mec il doit arriver comme un ouf. Ça doit être bon l'examen sous extra. Ah ouais, ils doivent là comme des dingues. Donc dites-nous si vous avez déjà pris des substances illicites ou un peu particulières pour aller à des examens. Qu'est-ce que vous avez comme bon plan pour les examens? Et moi je vous mets la vidéo de la meuf qui déconcentre les élèves aux Pays-Bas. Putain, elle est dans un état. Oh là là, c'est la moi, violence. Moi j'aurais pu étudier. J'aurais pas réussi à étudier de la journée. Ah, je confirme. Bon, allez, restez sur Fun Radio, il y a Dioro qui arrive dans un instant, 5 Hours. Et puis on est là en pleine forme, hein, avec le jeu du je t'emmerde tout à l'heure. Ce sera avant minuit. Si vous voulez vous inscrire dès maintenant, il y a des casques DJ à gagner. Bah, vous appelez Sandro, 01 42 48 5000. Et puis le 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bienvenue tout le monde. C'est Mickaël Nolimit. On est ensemble jusqu'à 2h comme tous les soirs sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. Envoyez M-I-K-S. Suivi de votre message au 64 900 par SMS. Mickaël Nolimit. De 23h à 2h sur Fun Radio. 23h, 2h. Mickaël Nolimit sur Fun Radio. Fun Radio. Et évidemment, on est en direct à 23h14 sur Fun Radio. Il y a Mathieu qui dit je vous adore, bande de fiottes. Là, continuez comme ça. Merci, Matt. Le Bosniakov qui dit j'ai eu mes 3 heures de colle aujourd'hui, Mickaël, pour les autocollants. J'en ai recollé quand la pionne avait le dos tourné. Bah, c'est bien le Bosniakov là, qui nous avait envoyé un message hier parce qu'il avait tapé des autocollants Mickaël Nolimit dans le bahut. Il s'était fait choper, coller pendant 3 heures. Et je lui avais dit, bah, justement, pendant tes 3 heures de colle, profites-en pour en mettre plus. John qui dit je fais découvrir ton émission à mes amis. Tu vas devenir une superstar. Cool, John. C'est déjà gentil. Une superstar. Et oh, bon, je m'en fous, moi, on fait ça pour s'amuser, nous. Oui. Et Freestan qui dit j'ai dit non à un rancard pour écouter Mickaël. Ça, c'est bon, ça, Freestan. Et Laura également, moi, Mickaël, quand je vous écoute, je me sens très bien, même si j'ai le moral à zéro. Bah, qu'est-ce qui va pas, Laura? Appelle-nous qu'on en parle si tu veux, là. 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique. Je viens de vous mettre la vidéo de la meuf aux Pays-Bas qui tente de déconcentrer les élèves qui sont en train d'étudier. Dites-nous si vous aussi, ça vous est déjà arrivé d'être déconcentré. Comment vous faites pour étudier? Si vous avez des bons plans, eh ben allez voir facebook.com/MIKAELOfficiel, c'est 10 euros maintenant. Et l'excellent son de Dioro à l'instant sur Fun Radio, c'était 5 Hours. Pendant que la nation s'enfonce dans la bêtise, il reste un endroit où vous détendre, vous amuser et respirer. Mickaël Nolimit, nous, on vous laisse pas tomber. Mickaël, de 23h à 2h sur Fun Radio. Et toujours en direct, 23h19 avec Rock'n'Wolf sur le Twitter qui dit « Moi, ma technique pour garder la pêche pendant les examens, c'est écouter Mickaël. » Oui, c'est une bonne idée pour garder la technique, enfin pour garder la pêche. En revanche, je suis pas sûr que ça donne bien au niveau des points. Non, non, ça reste à voir. Ça ne doit pas beaucoup aider. Ouais, je pense pas non plus. Il y a Oncle Ben également qui dit sur le Twitter, salut, je voudrais un message de bienvenue bien gore pour Lauriane. Elle vous écoute depuis ça lui fera plaisir. Je sais pas si c'est depuis peu ou depuis sa première fois, je ne sais pas. Eh ben écoute, oui, on peut te mettre un petit message de bienvenue. Alors attends, attends, attends, que j'en trouve. Oh, ça fait longtemps qu'on n'a plus entendu celui-là, tiens. Hop là. Ta gueule, connard. Oui, j'ai... ta gueule, fils de pute. Oh. Enculé de ta mère. Ta mère qui a un calculatoriste, toi. Elle t'a mis au mot, ta calculatoriste sur ton front, connard. Espèce d'enculé. Voilà, donc c'était totalement gratuit, évidemment. Hein, oui, mais je l'ai adoré. C'était notre ami belge qui avait mal vécu l'appel de Toff. Oui, voilà. Un bon Carolo. Oui, là pour le coup, effectivement. Il y a Fabrice aussi qui dit salut Mickaël, on est quatre cons à travailler de nuit. On a chacun notre poste pour t'écouter tous les jours. On peut avoir un message de bienvenue également, bien sûr. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Bah, dans vos culs en l'occurrence. Bah, bon courage Fabrice pour le boulot, je sais pas ce que tu fais, mais bon. Et Chloé qui dit Toff, je t'aime. Quelle horreur. Moi aussi, Chloé, oh là je là t'aime. Très fort. Oh là là. Et Célia également, ça fait grave longtemps que je vous ai pas écouté. Ça fait trop du bien de vous écouter. Je vous aime trop. Bah, pourquoi tu nous as plus écouté, Célia? En tout cas, sois la bien revenue, du coup, la rebienvenue. Voilà, bon, on va faire les appels de Toff aussi tout à l'heure avec encore un bon thème ce soir. Ah. D'après vous, dans quel endroit on trompe le plus? Les clubs échangistes. Dans le cul. Dans quels endroits on trompe le plus? On trompe. Dans le club échangiste, tu trompes pas, tu vas faire des échanges, des vrais échanges officiels. C'est vrai. Je sais pas, les clubs de vacances. Les clubs de vacances. Non, ça aurait pu être, mais c'est pas ça. C'est lieu de travail. Avec un ou une collègue, apparemment. Et c'est encore pire pendant les voyages d'affaires ou les séminaires. Donc, Mais c'est vrai parce que tu connais, tu sais déjà des gens que tu connais bien, donc t'as pas la barrière de il faut faire connaissance, il faut. C'est ça. Donc du coup, Toff, tu vas faire des appels malveillants à caractère pornographique. Évidemment. Parce que c'est de ça que tu es accusé par la police. Oui, c'est vrai. On va donc appeler des nouveaux amis dans quelques minutes pour voir s'ils ont déjà trompé quelqu'un et avec qui et comment surtout. Hein. Donc si vous avez des numéros sympathiques à envoyer, n'hésitez pas sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. Et puis les autres, tant qu'à faire, bah parlez-nous, dites-nous si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine. Bah, on va pas vous juger là-dessus, c'est surtout avec qui vous l'avez trompé. Et où? Et où? Voilà, est-ce que c'était au travail? Est-ce que c'était au bahut? Est-ce que c'était en boîte? Michael, est-ce que c'était avec quelqu'un? Laissez-lui bien, mais. Bah oui, bonjour, on va tester un message. Si tu veux, ça va Sandro? Tu fais tes appels à l'antenne, pépère, tranquille? Oh merde, j'ai raccroché à quelqu'un. Bah oui, là pour le coup. Non, tu as rencontré un répondeur, Sandro. Hein. Je me suis tapé un répondeur, mais je l'ai mis à l'antenne. C'est Ismaël. Ah oui, je te le confirme. Ouais. Donc vous, ne répond pas. Ouais, donc vous nous appelez, donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Bon, Jordan est avec nous également maintenant. Salut Jordan. Salut. Comment ça va Jordan? Bah tranquille et vous? Bon écoute, ça va, tranquille, 23h22, on est en mode pépère, tout roule. Tiens, il y a Timothée qui dit, j'ai regardé la vidéo, c'est sûr que j'aurais été déconcentré, même les doux ont la gaule en regardant la vidéo. Ouais, alors les doux, n'allez pas la voir la vidéo, parce que c'est une vidéo à caractère... pornographique. Non, pas pornographique, mais à caractère pas pour votre âge. Voilà. D'accord. Voilà, c'est un caractère pas pour votre âge. Circulez les doux là. Voilà, donc du vent, hein, vous n'allez pas voir. Et pour les autres, vous allez sur Facebook, vous tapez Mickaël officiel et puis c'est la dernière vidéo que j'ai mise. C'est une meuf qui déconcentre des élèves très studieux aux Pays-Bas. Et donc voilà, donc la question c'était de savoir si effectivement vous étiez aussi déjà en mode révision. Est-ce que vous avez des bons conseils pour les révisions, pour être concentré, etc. Et d'ailleurs, je voulais savoir aussi si vous preniez quelques petits produits, puisque un étudiant sur sept en Suisse apparemment prend des produits pour augmenter ses performance, ça va des plantes à la coke ou à l'extra, hein. Donc ça va vraiment, c'est le grand écart. Bon, alors toi tu nous avais appelé Jordan pour parler de ça justement, toi, est-ce que t'as déjà pris des produits, comment ça s'est passé, dis-nous. Ben moi pendant le bac en fait j'avais pris de l'extra, et du coup en fait ça sert à rien quoi. Ah ça non, oui, t'as remarqué aussi toi. Je me suis mis à voyager et tout, j'ai commencé à triper sur des trucs et j'ai oublié d'écrire en fait sur la copie. Ah bah ça valait bien la peine, tiens. Ah oh, ça c'est bon. Oui, ça valait bien la peine de prendre de l'extra pour faire ça. Mais en même temps que vous prenez une drogue, comment voulez-vous être concentré sur le travail à faire? Mais oui. Bah, je sais pas moi, mais on m'avait dit que ça me tiendrait à tenir et tout. Et... Ah oui, ça te tient réveillé, ça. De ce côté-là, effectivement, ça a bien marché. Mais le problème, c'est comment tu veux arriver à être concentré? C'est impossible d'être concentré. Ouais. T'as déjà pris, toi, des trucs pour essayer de concentrer? Oui, j'ai bouffé de la piche. J'ai bu de la piche et j'ai mangé de la merde. C'est ça. Non, avant les examens, jamais. À part des trucs genre que ma mère, elle faisait avec plein de vitamines. Ah, des potions magiques. Voilà, c'est ça. Non, mais ouais, tu sais, c'est genre... Elle te faisait des potions magiques. Ouais, genre, tu sais, avec toutes les. Tout, elle mélangeait plein de fruits pour faire une espèce de cocktail de vitamines. Mais je vais te faire une potion magique. Sauf que le mec tombait malade, il avait la chiasse pendant deux jours, là. Non, ça allait encore. Et donc le matin, ouais, tu sais, le matin, elle me faisait une espèce de lait avec aussi, pareil, un truc de protéines. Je sais plus ce qu'il y avait dedans pour que genre je sois au taquet. Ouais. En fait, au final, je rentrais de l'examen, j'avais qu'une envie, c'était d'aller plancer. Ah, tu m'étonnes. Moi, j'en avais rien à foutre des examens, donc je prenais pas de produits. D'accord. Oui, ouais. Moi non plus. Ouais. Moi, j'y ai toujours rendu. Ma mère disait, bon, ça a été. Ça va, t'as bien étudié? Ouais, tranquille. C'est ce qu'en fait je lisais mes feuilles. Ouais, ça c'est facile. Ouais, ça c'est facile aussi. Hop, je terminais et j'écoutais la radio. Puis j'arrive aux examens le lendemain et puis là, le drame. Hein. Bah, donc oui. Ma mère, alors ça a été? Ouais, tranquille. Et un drame. Voilà. Ouais, mais c'est ça. C'est moi ça. Je voulais dire, non, les extas, en fait, il n'y a que pour la philo que c'est bien. Oui, pour la philo, tu peux peut-être gagner éventuellement, mais non, enfin, ne le faites pas quand même, cela dit au passage. Hein. Bon, il y a non, des. De quoi? Moi, c'est sur ça que j'avais trippé sur les questions et tout, en fait, en philo, c'est ça, en fait. Ouais, mais le problème, c'est que t'avais peut-être bien trippé, mais comme t'as oublié de noter sur ta feuille, au final, t'étais pas plus avancé. Hein. Ouais, mais ça sert à rien de prendre des trucs comme ça avant la philo. Ouais, effectivement, je te le confirme. C'est un peu comme la philo, de toute façon, ça ne sert à rien, dans l'absolu. C'est vrai. Non, c'est pas vrai, c'est intéressant. Oui, mais c'est quoi, c'est chiant. Mais non, parce qu'on se remet en question dans la vie. Ouais, tu te remets en question, tu te dis, mais je vais rater mon année à cause de cette merde. Ouais. Je vais rater à cause de cette merde. C'est là que tu te remets en question, effectivement. Bah, merci Jordan d'avoir appelé, en tout cas, tu reviens quand tu veux. Hein. Ok, allez, à plus. Salut, à bientôt, ciao à toi Jordan, bye. On a Stéphane et Enzo là qui vont faire le je t'emmerde dans quelques minutes. Vous êtes déjà là tous les deux? Oui. Tranquille, en forme? La forme. Est-ce que vous connaissez le principe? Oui. Bon, le je t'emmerde, on va le faire dans quelques minutes. Avant, ça on va écouter Afrojack, mais avant cela, nous allons faire un petit exemple avec Toff et avec Polo. Hein. Oui. Donc comme d'habitude, Toff est le joueur, Polo est l'appelé. Oui. Le principe, c'est donc qu'on va appeler des gens au hasard dans quelques minutes. On ne sait pas si ça va être un garçon, une fille, on n'en sait rien du tout. Et vous allez devoir placer un maximum de je t'emmerde avant de vous faire accrocher au nez. Celui qui arrivera à en placer le plus aura gagné. Pas plus compliqué que ça, hein. C'est pas non plus le jeu de l'année, mais au moins... Enfin, quoi que je dis, c'est pas le jeu d'année, mais vous êtes nombreux à pas savoir. Hein. Ouais. C'est-à-dire que vous arrivez, vous en placez un, deux, puis après, c'est le drame. Donc, exemple à ne pas suivre. Toff, fais donc l'appel. Ah, c'est à ne pas suivre. Donc, à ne pas suivre. Ça sonne. Allô? Oui. Ouais, je t'emmerde. Ah, pardon. Voilà, donc ça, on ne peut pas faire. Il faut pas placer un maximum de... Enfin, il faut pas placer les je t'emmerde. Il faut avoir une conversation logique et cohérente. D'accord. J'oublie, le téléphone est relié à la gendarmerie. Alors oui, oui, bien sûr. Monsieur. Maintenant, tu vas pouvoir le placer dans l'exemple à suivre. Hop, on recommence. Oui, allô? Oui, bonsoir monsieur. Oui, je vous écoute. Entre nous. Voyons. Non mais je vous appelle parce qu'en fait, je vous emmerde. Ouais. Et voilà, j'avais envie de vous le dire parce que ça fait plaisir de vous appeler. Qui vous êtes? Bah, moi je m'appelle Toff et je vous emmerde. Vous savez que votre numéro il s'est affiché là? Ouais, je sais, mais je vous emmerde. On va appeler la gendarmerie, c'est que mon fils travaille pour la police. En plus? Vous le saviez ça? Non, je le savais pas, mais donc je l'emmerde. Vous arrêtez aussi de m'emmerder, ok? D'accord, mais je vous emmerde. Hein? Et vous savez que je vous emmerde? Voilà, donc ça c'est un exemple à suivre éventuellement. Vous pouvez partir sur un autre scénario, bien entendu. Stéphane, Enzo, vous avez bien tout enregistré, tout est bon? Oui. Très bien, alors ne bougez pas, Stéphane, Enzo, on va jouer dans quelques minutes. Qu'est-ce que DJ a gagné? Stéphane de Lunéville et Enzo d'Annecy, on va jouer ensemble dans quelques minutes, voilà. Bon, et puis il y a Ludovic qui dit: j'ai pris les anxiolytiques avant une épreuve de bac, sauf que c'était tellement fort que ça faisait dormir et j'ai des trous de mémoire. Oui, bah oui, forcément, ah oui, ça, c'est ballot. Tu t'attendais à quoi avec des anxiolytiques? C'est censé justement être un... Tu vois, un truc pour être déconcentré, déstressé, etc. Donc forcément, ça pouvait pas marcher, quoi. Avec le recul, excuse-moi, attends, je te coupe. Avec le recul, je pense que la meilleure solution, c'est d'étudier toute l'année. Au lieu de se faire chier à la dernière minute, trouver... Non, mais c'est vrai ou pas? C'est vrai. Que c'est ouais. Ça le mieux, en fait. Et idéalement, c'est de prendre des points d'avance, comme ça, vers le mois de janvier. T'as assez de points d'avance, t'es pépère. Hop, ouais. T'es tranquille, après tu fais le minimum syndical, ouais, pour les beaux jours et tout, t'es tranquille. Il y a que pour le bac que ça marche pas. Oui, après pour le bac évidemment c'est plus compliqué, ouais. Il y a Jade qui est repassé nous voir, pour ceux qui étaient là hier soir dans l'émission, qui était passé, qui nous avait appelé. Bon, on va pas rappeler le pourquoi tu es là, mais quoi qu'il en soit, si, on t'avait... Si, moi je vais le dire, c'est bien. Non, elle avait rencontré un mec sur Tinder et voilà. Bon, qu'est-ce qu'il y a, c'est pas grave, même si t'as pas ton casque, c'est pas grave, tu peux parler quand même, Jade, c'est pas grave. Approche-toi du micro. Voilà, en fait, déjà le problème c'est que comme elle a pas de casque, du coup elle s'arrête, elle pense qu'il y a plus rien qui marche. Ouais. Ne t'inquiète pas, ça fonctionne, tout va bien, on est là, tout va, tout redescend à la cave. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Oui, ça Non, on t'entend pas parce que comme hier, il faut parler dans le micro et fort, bien près, comme moi, bien près du micro. Regarde, Polo va te le mettre, le micro. Proche de la bouche, voilà, regarde, hop, mais tu parles comme ça. Peur, quand t'étais avec le mec de Tinder, t'avais pas peur de son gros truc? Ah ouais, il avait pas peur. Hein. Ah bah oui, il avait pas peur. Quand je te tiens la tête, vas-y. Voilà, c'est bon, c'est bon. C'est bon? Oui, c'est bon. C'est bon, ben tu la sens bien? Ah, je fais pas ça. Non, c'est le micro là. Bon, donc du coup, on t'avait offert des magnifiques appareils hier soir offerts par passagedudésir.fr. Voilà, donc t'es revenu ce soir pour nous dire, enfin en théorie, t'es revenu ce soir pour nous dire comment comment ça s'est passé, est-ce que c'était bien, est-ce qu'il marche bien? Il marche très bien. Il marche très bien. Ouais. Mytho, il y a deux secondes, tu nous as dit que t'avais pas essayé. Oh, oh là là. Oh, on peut vraiment pas faire confiance aux meufs. Hein. Eh, oh, moi, je veux bien te le mettre. Hein, si faut jamais faire confiance aux meufs. Jamais, jamais, ouais, jamais. Donc on t'offre un cadeau, tu le testes même pas, quoi. C'était pas à moi, c'est pour Adrienne. Ouais, bon, il y en avait eu deux. Hein, ouais, en plus, cinéma, vous avez... l'autre, je l'ai pas pris. Hein. Vous avez dormi à deux. Ah d'accord, ok, je pensais. Oh là là, vous avez dormi okay. à deux, vous aviez toute la nuit pour l'essayer. Bah c'est ça, voilà, putain, déception totale, totale, totale, totale. Eh ben ça nous apprendra à faire des cadeaux, offert par passagedudésir.fr. Bien évidemment. Il va être très déçu, monsieur passagedudésir. Ah bah oui, oui, pour une fois qu'on, bah, pour une fois qu'on pouvait tester, bah oui, bah on y compte là. Bon tiens, il y a Prismatique, il y a un petit bonne chance pour mon oral de TPE demain. Bah écoute, bonne merde à toi, Prismatique, ça va bien se passer, t'inquiète pas. Allez, on va s'écouter maintenant le son de Afrojack avec 10 Feet Tall. Juste après, on va prendre Johan, et puis on aura Stéphane, Enzo bien entendu pour le Je t'emmerde et bien sûr les appels de Tof. On fait ça dans quelques minutes sur Fun, il est 23h30, c'est Mickaël No Limite, bienvenue tout le monde. On est là jusqu'à 2h du mat en direct sur Fun Radio. I'm clumsy and my head's wrong. Le son d'Afrojack sur Fun. Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Le premier de nos deux qui rira aura une tape. Aïe! Tu te barres tellement avec Mickaël No Limite que tu pourras jamais gagner. Aïe! Mickaël No Limite. De 23h à 2h sur Fun Radio. Bon, on est toujours en direct, il est 23h34. Il y a Alexandre qui dit je vous écoute depuis le début, toujours pas eu de message de bienvenue. Mais c'est pas automatique non plus, hein. Oh, bande d'abrutis. Voilà Alexandre. Et Skydraw aussi, depuis 6 mois je vous écoute, je peux avoir mon message de bienvenue également. Ouais, Skydraw, bah vas-y, je vais remettre celui-là. Attends. T'as touché la chatte à ta mère avec tes oreilles. Oh, mais ça faisait longtemps, tiens, que celui-là qu'on l'ait plus. Et alors, un message aussi qui est arrivé là, il y a. C'est quoi? C'est Walniz qui dit ça fait un mois que j'ai pas écouté Fun, je suis trop contente de vous entendre à nouveau. Merci d'être là. C'est marrant, il y en a plein de nouveaux, plein de gens qui reviennent ce soir là. C'est marrant, ils sont tous revenus au même moment. Bizarre. Ah. Bizarre, mais en tout cas, soyez les re-bienvenus en l'occurrence. Dans un instant, on va se faire le Je t'emmerde avec notre ami Stéphane et Enzo. On va prendre Johan également. Dites-nous si vous avez déjà trompé justement, puisque c'est les appels de Tof justement qui vont parler de ça. En l'occurrence, on s'est rendu compte que la majorité du temps, quand on trompe, c'est au travail que ça se passe. Avec des collègues. Oui, c'est logique au final. Bah oui, parce que c'est là qu'on passe aussi beaucoup de temps. Hein. Ouais, donc c'est, voilà. C'est des gens que tu connais, donc tu sais si tu peux leur faire confiance ou pas. Ouais, et c'est encore pire, a priori, pendant les voyages d'affaires ou les séminaires. Alors c'est évidemment, puisque là, il y a les chambres d'hôtel, etc., etc. Donc du coup, on appelle des gens, hein, que vous avez des numéros que vous avez envoyés sur le mail de Tof, toph@fanradio.fr. On y va comme tous les soirs. Premier appel maintenant. Hop là. Allez, hop, c'est parti. Allez. Allô. Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. En fait, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre femme avec un collègue au bureau. Comment? Ben, est-ce que vous avez déjà trompé votre femme avec un collègue au bureau? Si j'ai déjà trompé ma femme avec un collègue au bureau? Oui, ou une collègue, hein, c'est comme vous voulez. Ouais. Eh ben, c'est pas connard, je t'emmerde bien fortement, d'accord? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Parce que moi, je travaille pas dans un bureau, déjà, dû pour commencer. Oui, mais ça vous empêche pas d'avoir des collègues, monsieur? Mais écoute. Allô? Oui, allô, je vous écoute, monsieur. Eh ben, moi, je t'emmerde bien fortement, connard, moi, je travaille pas dans un bureau. Okay? Oui, d'accord, mais ça vous empêche pas d'avoir des collègues, monsieur? Bah oui, j'ai des collègues, moi, oui. Ah, j'ai des collègues, mais je travaille pas dans un bureau, ouais. Oui, d'accord, mais est-ce que vous avez déjà trompé votre femme avec ses collègues? Mais, pauvre connard, je suis pas pédé, moi, d'accord? Non, mais collègue, c'est féminin ou masculin, monsieur? Ouais. Oui, dis ça. Et je vais dire une chose, connard, tu vas fermer ta gueule, parce que ça va mal se passer, d'accord? Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? Je comprends pas, faut pas s'énerver. Bah, si, je m'énerve, toi t'es pédé par moi, ok? Mais c'est clair? Je vois pas pourquoi vous dites ça, monsieur. Et puis, t'es qui, toi, connard, déjà? Moi, je m'appelle Tof, monsieur. Conduire, connard. Mais vous êtes qui? Moi, je m'appelle Tof, madame. Et pourquoi vous appelez chez nous? Ben en fait je voulais savoir si vous ou votre mari vous seriez déjà trompé avec un collègue. Ah mais non, pas du tout. Mais pourquoi lui, on s'encule avec mes collègues. Mais pourquoi vous nous pourquoi vous permettez d'appeler chez nous pour poser ce genre de questions? Bah, parce que en fait j'ai trouvé votre numéro et donc du coup je vous appelais pour vous poser la question. Ah oui bien sûr, d'accord. Voilà. Eh ben, renouvelez pas l'appel. Alors on va. Et puis toi, est-ce que tu le branles tous les matins en te levant? Récemment non, mais ça m'arrive, oui. Ah oui, bah t'es vraiment une belle fiotte, d'accord. Maintenant tu m'appelles plus, c'est clair? Bah oui, mais vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Ah merde, il est parti. Attends, on va le rappeler, on va le rappeler. Il est de bonne humeur, lui. Oui, hein. Il avait l'air en pleine forme, effectivement. Ouais. Je me faisais la même réflexion. Allez, hop, on y retourne. C'est parti. Ouais, connard. Oui, non, mais je m'excuse, monsieur, mais c'est pas la peine de le prendre comme ça. Ah, si moi je le prends comme ça, maintenant tu vas te faire enculer, c'est clair? Ah et bah... tu m'appelles plus. Ah bah non, je monsieur. Je te promets, ça m'a mal se passé. Je te jure, arrête tes conneries, ça m'a mal se passé. Mais enfin, monsieur, pourquoi vous dites ça? De quoi? Mais pourquoi vous dites ça, monsieur? Moi, je vous appelle gentiment, c'est pas la peine de s'énerver. Eh ben, moi aussi, je m'énerve. Alors maintenant, tu m'appelles plus, c'est clair. Ben non, parce que vous avez pas répondu à ma question, monsieur. Donc je suis obligé de vous rappeler. Mais je t'ai répondu, va te faire enculer, je t'ai dit connard, d'accord? Oui, mais c'est pas la réponse à ma question, ça, monsieur. Ben, fais bien attention à tes oreilles, mon gamin. Si jamais je te crois, si tu l'as dit, t'en penses un mauvais quart d'heure, c'est clair? Ah ben non, mais non, monsieur, vous pouvez pas me dire ça. Eh ben, tu vas fortement te faire enculer, gros bâtard. Mais d'accord? Ah non, monsieur, non. Mais vous voulez qu'on appelle la gendarmerie, là? Mais pourquoi vous l'appelez la gendarmerie, madame? Vous êtes qui? Moi, je m'appelle Toff, madame. Mais vous faites partie de quoi? Permettre d'appeler les gens? Bah, je fais partie de rien, madame. Moi, je vous appelle juste pour vous poser la question. Oh là, grosse merde! C'est une grosse merde. Ah, il s'est raccroché lui-même, donc il est très fort, lui. C'est une grosse merde. C'est une grosse merde. Bon, on va donc le rappeler encore un coup, hein. Ah ouais, parce qu'il est chaud, quand même, lui. Il y a Fred S34 qui dit « J'adore, on s'encule avec les collègues. » Trop fort, lui, effectivement. Allez. On le rappelle encore un petit coup, là, le collègue. Elle est en pleine forme. Il décroche plus, mais là. Oh non. Allô? Oui, non, monsieur, je m'excuse, mais vous pouvez pas dire ça. Moi, je vous appelle gentiment, vous avez pas le droit de dire des trucs aussi vilains. C'est pas vilain, ce que je dis. Ah si, monsieur, c'est très méchant. Ah non. Ah si. Mais dites-moi qui vous êtes, c'est tout. Je suis Toff, madame, je vous l'ai déjà dit. C'est pas une radio par hasard? Ah non, pas du tout, madame. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une question gentiment et vous m'agressez. Non. Ça se fait pas. Y a pas d'adultère des deux côtés. Merci, au revoir. Au revoir, madame. Bah voilà. Tu vois, il suffit. Tout cinéma qui nous a pris 4 minutes là. Voilà. Pour rien. Elle aura dit ça tout de suite, on aura raccroché. Exactement. Oh, enfin bon. Bon, dans un instant, Johan qui voulait réagir justement par rapport à la tromperie. Ça, c'était l'objet des appels de Toff ce soir. Si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine, bah venez nous le dire. Comment ça s'est passé, surtout? Où est-ce que vous l'avez trompé? Puisque apparemment, majoritairement, c'est au travail qu'on trompe son mec ou sa meuf. Donc on va en parler dans quelques minutes. Vous nous appelez donc 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Jouons maintenant à ce magnifique jeu du... Je t'emmerde. Voilà. Alors, pour jouer avec nous, donc Stéphane, 25 ans, de Lunéville en Meurthe-et-Moselle. Et pour jouer avec nous du côté, c'est Enzo d'Annecy, en Haute-Savoie. Ça va tous les deux? Vous êtes toujours là? Oui. Très bien. Qui c'est qui dit oui à chaque fois? C'est Haute-Savoie, ça, c'est la Haute-Savoie. La Haute-Savoie? C'est toi. Ah oui, c'est lui, effectivement, qui dit oui. Stéphane, t'es là aussi, hein, parce qu'on t'entend pas. Très bien. Ah, parfait. Bon, le principe du jeu, je l'ai déjà rappelé juste avant le son d'Afrojack, je vais quand même le rappeler pour être sûr. On va donc appeler des gens au hasard. Le but du jeu, arriver à placer un maximum de « je t'emmerde » avant de se faire raccrocher au nez. Il faut faire ça dans une conversation la plus cohérente possible et la plus logique. Donc, hors de question d'arriver et de balancer un maximum de « je t'emmerde » d'affilée. Genre, je t'emmerde, ça ne marchera pas. Les seuls « je t'emmerde » qu'on accepte, c'est « je t'emmerde » ou « je t'emmerde ». Il n'y a pas de « je vous emmerde », »,« vous m'emmerdez », etc., etc. Ça ne comptera pas, d'accord? Alors c'est je t'emmerde ou je t'emmerde, c'est ça? C'est je t'emmerde ou la version raccourcie je t'emmerde. Si vous pouvez éviter l'histoire de la lettre et du mail où il y a écrit je t'emmerde. Après vous faites comme vous voulez, mais il y aura deux appels, donc vous avez deux chances de manches, mais évidemment le premier appel et le deuxième appel, le scénario ne doit pas être le même. D'accord? Ok. Enfin je vous rappellerai ça dans quelques minutes. Bon Stéphane et Enzo, qui veut commencer? N'importe. Bon, on va commencer par toi, du coup, Stéphane. Allez, c'est parti. On y va. Premier appel, c'est toi qui t'y colle, Stéphane. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, tu dis allô. Et sois bon. Allô. Allô. Oui. Ouais, tu m'as envoyé un courrier, là, pour... en me disant, je t'emmerde. C'est quoi ce courrier? De quoi? C'est quoi le courrier que tu m'as envoyé avec je t'emmerde? Mais j'ai l'honneur de parler à qui, là? Bah, à toi. Ouais, vas-y. Déjà, dites-moi qui vous êtes et... C'est le collègue qui m'a envoyé, c'est... Tu m'as dit, je t'emmerde. Ouais, vas-y, Mais moi, je t'emmerde. Non, le dernier n'est pas valable puisqu'il avait déjà raccroché. On en est à combien du coup? À 10. Pas mal pour une première. Enzo, à ton tour. Ouais. Allez, c'est parti. On y va. Stéphane, tu restes avec nous. Il y aura la deuxième manche après la pub. C'est parti, Enzo. On y va donc. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô. Bonjour, personne pour l'instant. Merde. Bon, ouais, putain, le mec il économise des mots sur le répondeur. Bonjour, personne pour l'instant. Tu vois le mec message, il vite. Bon, message vite après bip. Allez hop, on y va, Enzo, on rappelle quelqu'un d'autre. Ok. Allô. Oui. Bonjour monsieur Breil. Tu vois la fenêtre? Comment? Tu vois la fenêtre? Vous êtes qui? Bon, je t'emmerde, j'appelle les flics là, je vous ai vu hein. Et vous êtes qui? Vous êtes où là? Non mais écoute, je t'emmerde, je t'ai vu à poil devant la fenêtre, donc je t'emmerde. Et si tu continues, je te brûle tes poils, ok? Je t'emmerde. C'était peut-être pas le meilleur moyen, mais bon, au moins ça a le mérite d'avoir été original. Ouais, c'était pas mal. Ça nous a fait combien? 4. Oui, c'est pas terrible, c'est ce que je disais. Bon, Enzo, c'est pas grave, deuxième manche. Et c'est pas grave non plus pour Stéphane, hein, qui pour l'instant tient bien, tient bon même, hein, avec dis je t'emmerde. On fait la suite dans un instant après la pub, d'accord Stéphane? D'accord. Bon, tu restes avec nous surtout, Stéphane. Enzo, bah pareil évidemment. On va prendre Johan aussi de Champigny-sur-Marne. Salut Johan, pour parler de tromperie là, ça va Johan? Ouais. Salut. T'as un doux toi? Ouais. Et genre tu vas réagir de tromperie là, mais qu'est-ce que tu connais là-dedans toi? Ah, j'ai trompé ma meuf. Oh, ben. Ah oui, alors on comprend. Ta meuf en fait t'as fait un bisou sur le front d'une autre fille. Ah la pauvre. Ah oh, quelle tromperie. Ah oui, c'est bon, c'est bien dur. Non, c'est lui qui a trompé. Ouais c'est ça, oui. Donc c'est... il a embrassé sur le front une autre fille. Ah oui c'est ça. À la cour de récré. T'as fait quoi? Ben c'est parti d'une histoire de 2 ans. De 2 ans, ah oui quand même. Et t'as quel âge là? 13. Ah bah ouais mec, putain, ah, ouais, tu vis dans la longueur, hein, c'est bien. Et donc t'étais avec elle pendant 2 ans? T'étais ouais. Amoureux, t'étais ah, c'est bon ça. T'avais déjà fait un petit prêt et tout pour la maison? Oui. Ah bah t'es oui. Bien, non mais t'as raison, hein. il faut y aller mec, faut pas putain, perdre de temps. Hey, hein. Y en a qui l'avantage c'est que si tu prends un prêt à 13 ans, tu prends un prêt de 20 ans, à 33 ans t'es propriétaire. Et t'es bon ouais. Voilà, ici tous ces cons qui perdent leur temps à faire ça vers 30, 35, 40 ans, bah hey, ils en profitent pas, t'as raison Johan, c'est bien. Bon et donc du coup qu'est-ce qui s'est passé après cette histoire de 2 ans? Bah j'ai eu un coup de foudre. Ouais. Pour une autre. À la prochaine récréation. Bah je suis parti avec la bœuf. Ah t'es un beau gosse toi. Oh non mais non c'est pas un beau gosse, c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Attends, il a quand même attendu la récré quoi. Hey, t'as mis des capotes au moins. Non. Non, bah non, t'as pas été jusque là. J'ai pas pécho. Ah d'accord, ok, me voilà rassuré. Non mais un bisou ça suffit hein, tu peux la mettre enceinte, fais attention. Ah, ouais, faut mettre n'importe quoi. Dans la bouche. Wow, et là, pas et mal. Là derrière. Pas mal. Et quoi, elle était derrière elle? Oh la pauvre. Franchement ça se fait pas. Elle était derrière? Ouais. Oh, t'es un enculé. Ça se fait pas. Johan, t'es vraiment l'enfoiré, Johan. Permets-moi de te le dire. C'est vrai, c'est mal. C'est très mal, la pauvre. Elle va démarrer déjà, la pauvre. Dès le début, elle va démarrer, elle va avoir un avis négatif sur les mecs à cause de toi. Bravo, Johan. Hein. Si elle m'écoute, je suis dans la merde. Ah ouais, bah oui, mais ça fait la réfléchir. En même temps, elle t'a vu, donc. Comment elle s'appelle? Émilie. Bah voilà, maintenant, t'es vraiment dans la merde, hein, Johan. C'est quoi le nom de ton bahut? Sainte-Thérèse. À Champigny-sur-Marne dans le 94. Voilà, bah comme ça au moins, hop, l'affaire est pliée. T'es un bon toi. Bon, Yoann, adieu alors. Hein. Ouais, on est désolé. Hein. Ouais, puisqu'il va certainement te buter demain. Ah, donc. Attendez, est-ce que je pourrais avoir un pack fan? Oui, bah au moins t'auras ça, oui, pas de problème. Je te consoler. Je te repasse Sandro là maintenant, tu vas gérer ça avec elle, d'accord? Ok, à salut, plus. Allez, à bientôt, ciao, bye bye. Et restez sur Fun Radio, puisque je vous cale le son de Katy Perry dans quelques minutes, sera Birthday. Et puis on va revenir aussi avec la suite, la deuxième et dernière manche de ce fameux jeu qu'est le Je t'emmerde. Bien entendu, on aura le carreau fait tout à l'heure. Et puis on parle de tromperie. Appelez-nous si vous avez déjà trompé votre copain ou votre copine. Rassurez-vous, on peut changer votre prénom, votre ville, tout ça. Hein. Si jamais vous avez peur de vous faire griller, évidemment, on n'est pas des connards. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle. 01 42 48 5000. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. We're sorry, the number you have dialed. Fun Radio. Mickaël, nos limites. No limits. limites, c'est tous les soirs, 23h, 2h. Sur Fun Radio. Toujours en direct sur Fun Radio, un message qui est arrivé de Mathis aussi, je peux vous écouter, c'est quoi? Je peux vous écouter ce soir, il y a grève demain, mais brevet vendredi, et on savoir vos notes de brevet. Et on peut savoir vos notes de brevet. Alors moi j'ai jamais passé ça parce qu'en Belgique il n'y a pas ça, donc je sais pas. Tof non plus du coup. Non. Polo peut-être. Mais c'est quoi le brevet blanc? Bah... Ou le brevet des collèges? Enfin, c'est rien, le brevet des collèges, ouais. Mais je j'en souviens pas de cette merde, j'en avais rien à foutre. Non, mais pour le coup, on peut pas trop te donner d'infos à ce niveau-là, là. Mais bon, en tout cas, sois bon. En fait, je me souviens pas de tout ça parce que ma seule ambition dans la vie à l'époque, c'était de ne rien faire et de lire des livres. Voilà, ce qu'il a réussi avec brio parce qu'il ne fait rien aujourd'hui. Hein, voilà. Et il y a Jimmy qui lit des livres. Ouais, c'est vrai. Salut Mickaël, je pourrais avoir un message de bienvenue, un coup de pelle pour me réveiller, ouais. Bien sûr. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà, et puis un message qui dit pour les 1 an de l'émission, vous comptez faire quoi? Bah écoute, on sait pas. Déjà, ce serait bien qu'on soit encore là. Mais dans l'absolu, non, je sais pas encore. On compte mettre 2-3 parts de pole dance et ramener des putes. Ah, ça, ce serait une bonne idée. Après, il faut que ça soit validé par l'autre sphère. Par la direction. Il y a John qui dit Tof, j'ai une copine qui te kiffe, alors si jamais ça t'intéresse. Bien sûr que ça m'intéresse. Ah, donc, on je salue suis la Ligue Braille également. Et Aurélien qui dit j'aimerais avoir un joli message de bienvenue pour la chaîne dédicace à un ami Mickaël, alias Thibaut, qui est routier et grâce à vous, il s'éclate sur la route. Eh ben écoute, tant mieux qu'il soit surtout prudent sur la route avant de faire des conneries. Et un petit message de bienvenue, bon, on va prendre celui-là. Tu as un petit peu te faire enculer. Bah voilà, un petit peu te faire enculer. Et avant de récupérer Stéphane et Enzo pour le jeu du je t'emmerde, on a Shaima avec nous de Lyon. Salut Shaima. Salut Mickaël. Comment ça va? Eh ben écoute, ça va et toi? Shaima, ça va. Ça va, tranquille. On fera un effort et on imaginera que Tof n'a pas fait de vanne. Je vais tenter de sauver sa mauvaise vanne. Bon, Shaima, tu voulais réagir par rapport à la tromperie puisque c'est le thème des appels de Tof ce soir, hein, puisque on s'est rendu compte que apparemment quand on trompe son copain ou sa copine, c'est très souvent sur le lieu de travail. Mais c'est un peu particulier parce que c'est le lieu de travail, c'est quand même tendu. Bah ça dépend. Non, maintenant ça dépend où tu travailles. Hein. Oui, tu fais quoi dans la vie toi, Shaima? Ouais, bah je travaille dans le marché là à côté, là. Je vends des fleurs. Moi, si tu veux, la semaine, j'ai un boulot, on va dire, officiel dans les bureaux. Et le week-end, je travaille en boîte. Ah oui. Ouais. Oui, voilà, oui, en boîte, c'est voilà. Évidemment. Tu fais quoi en boîte? T'es barmaid? Je suis barmaid, ouais. Ah ouais, forcément. Ça, s'ils s'en passent des trucs derrière le bar. Ah bah ouais, clairement. Clairement. Mais comment est-ce qu'on drague une barmaid? Parce que j'ai l'impression qu'elles sont plutôt souvent fermées. C'est normal avec tous les gros lourds qu'elles doivent avoir à chaque fois. Moi, j'ai. Attends, je sais, moi. Il y a trop de lourds, quoi. Alors, ouais, tu m'étonnes. C'est quoi la vraie technique? Je vais vous expliquer. C'est quoi? Déjà, je l'ai jamais fait, mais je sais ce que c'est. Bon, attends, on va imaginer. Alors, attends, imaginons, voilà, c'est là. Excusez-moi, je tiens à vous arrêter deux secondes. Ah, il y a les boueurs qui arrivaient pour décharger. Ouais, une seconde. D'abord, on va se mettre en condition. Shaima, combien mesures-tu? Je fais 1m70. Combien pèses-tu? Je fais 62 kilos. Quel est ton tour de poitrine? 95D. D comme Denise ou B comme Bénédicte? D comme Denise. Ah, D comme Denise. Et c'est les tiens ou on t'a un peu aidé? Ah non, c'est les miens. D'accord, et la taille de ton pantalon que tu as acheté? J'ai pas compris. La taille du dernier pantalon que tu as acheté? 38. Qu'est-ce qu'elle est bonne. Bon, mais alors revenons maintenant au centre du sujet. On imagine. Ouais, mais alors c'est très long. Donc on est en boîte. Je trouve beaucoup couper la musique, hop. Je fais ce que je veux. Ouais, merci. Alors dis-toi qu'en plus en ce moment sur cette musique je danse sur le bar. Les ah ouais, c'est vrai. Ah bah très bien. Ouais, non, c'est ma musique celle-là. En fait, la technique, faut pas lui. En fait, faut pas lui. En fait, c'est très bizarre. Faut pas lui parler. De toute façon, on attend rien. Surtout pas parce que comme tu dis, il y a tellement de lourds que la meuf elle va pas te répondre ou elle va t'envoyer chier. D'accord. Il faut faire le mec. Après, qui tout dépend pas... de la technique. Il faut faire le mec qui est pas intéressé, mais il faut que tu viennes souvent. Au bout d'un moment, la meuf, elle va te voir. Et bon, moi, ouais, mais ça coûte cher, hein, on barre dans une boîte. Ouais, mais on a des cartes bancaires un peu élevées, nous. Enfin, parce que moi, non. Si on compare avec celle de Tof, comment te dire? Bon, enfin, bref. Qu'on parle de ma carte, comment ils appellent ça déjà? Multi, je sais pas quoi. C'est la carte de l'enculé. Ouais, c'est la carte enculé. C'est-à-dire que. Vas-y. Même le mec qui a la plus basique, je suis encore en dessous. Voilà. Et donc, tu lui parles pas et tu la laisses. Et puis, à un moment donné, par curiosité, elle va forcément venir te poser des questions. Parce que si tu t'intéresses pas au délire et tout, tu viens, tu bois ton verre, tu discutes vite fait et tu restes un moment et puis tu te barres. La meuf va dire, il est bizarre quand même ce mec. Oui, il est bizarre. Et donc, ça, elle va c'est sûr. Poser des questions et elle va s'intéresser à toi. Peut-être. Et après, si t'as une vie intéressante, après, faut être un aventurier, voilà, faut être c'est bon ça, comme moi, faut être généreux. Bah, sache que t'as pas peur, c'est vrai ce que tu dis. Parce que pour moi, ça s'est passé comme ça s'est passé réellement comme ça, moi. Ah bah, c'est-à-dire ça s'est passé avec tu t'as trompé ton mec avec avec un mec comme ça qui effectivement était un petit peu mystérieux. Mais oui. Ouais, très mystérieux, mais pour te dire la tromperie elle va encore jusqu'à aujourd'hui hein. Oh. Ah oui, donc tu continues à faire toi. Oui, mais bon, plus parce qu'il y a Toff qui veut prendre son ticket si c'est possible. Et bah non, mais attends, moi c'est que en fait, j'aime beaucoup le jeu de la séduction. D'accord. Ouais. Ah bah ça tombe bien, on joue, mais c'était hier hein. Ah non, c'est le jeu de la rupture, ça, merde. J'adore ça, donc ouais, bah j'en joue. Et puis voilà, faire le mec mystérieux, c'est mieux que de venir et de me dire bon, à la fin de ton service, on fait quoi? On va chez toi, on va chez moi? Surtout pas, c'est une barmée. Mais oui, en plus, elle se fait toute la. En fait, quand tu observes ça, tu vois toute la journée. Enfin, toutes les nuits, tu vois, elles sont harcelées. Ouais, alors, ouais, vous êtes magnifique. Alors, t'as l'espèce de trou du cul, le mec en costard qui se la raconte avec ses cheveux gominés, hein. Ouais, bon, ça Polo pourrait pas faire, même s'il est en costard. Hein. Je n'ai pas de cheveux. Voilà, enfin, plus beaucoup. Et donc, lui, il se la raconte avec Par contre, il y a des sourcils. Je pourrais faire les sourcils gominés. Je vais monter comme ça, je vais faire un brushing. Ça peut être bien, ouais. Et donc, forcément, la meuf, elle est tellement... comment on appelle ça, Toff? C'est-à-dire solliciter que puis au bout d'un moment bah elle peut pas, tu vois. Et ouais, donc ouais, si toi ouais. Tu restes en retrait, t'en as un peu rien à foutre, tu fais ça deux trois fois, elle va quand même forcément être d'elle-même venir te parler, c'est sûr. Peut-être. Ah j'ai baisé de la salope comme ça moi. J'ai c'est ça. Il en a démonté derrière des barres. Ah j'ai démonté de la pute. Bon et donc du coup ça fait combien de temps que t'es avec ton amant? Ça fait un an et demi. Ah oui quand même, enfin il y a un moment où faut choisir hein, c'est-à-dire que. Ouais mais justement j'arrive pas à faire un choix. Et avec ton vrai mec? Ça fait 10 ans. Ah oui. Oh mais oui mais c'est normal, c'est pas grave. Ouais, enfin bon, il y a c'est un moment. Grave, c'est vrai. Mais non, c'est si pas c'est grave. Si c'est grave, qu'est-ce si c'est grave, Google. Il est complètement con lui. Non, mais... bon, regarde, tu dis c'est pas grave. Ben là, je suis sur la route, je suis en train de rentrer chez moi parce que j'étais avec mon amant là. Oh là là, donc tu t'es fait défourailler là. Bah oui. Vous avez fait quoi? Ça m'intéresse. Vous vous êtes touché un peu? Tu as bouffé la. Tu as bouffé. Non, ça y est, on s'en fout, Pas qu'un peu quand même. Ah, mais vas-y, raconte un peu. Et donc là, tu vas en sentant le cul chez ton mec. Bah ouais. Et ce soir, s'il a envie d'une petite cartouche, tu vas lui donner. Ah non, franchement non. Et pour pas sentir le cul, tu prends de la terre. Tu t'arrêtes au bout de la route, ouais, tu prends de la terre et tu frottes la froide sur le corps. Je prends toutes mes précautions, j'ai pris la douche et tout, donc voilà. Ah mais, ouais, pas. Mais t'as pas de scrupules à un moment parce que bon quand ça t'arrive one shot comme ça bon tu peux dire bon allez j'ai fait une connerie je me reprends ça ira mieux mais quand tu le fais comme ça régulièrement depuis un an et demi il y a pas des moments quand tu rentres chez ton chez toi tu te dis je suis quand même vraiment une grosse salope quand même hein. Ça marche aussi si c'était un mec hein, cela dit hein. Ah ouais au début non tu vois j'avais aucun scrupule je me disais bah voilà on vit qu'une fois mais faut oui. Profiter je me dis voilà si j'ai un amant c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans mon couple donc oui ça c'est sûr. Mais non. Mais après c'est la routine, c'est les habitudes. Ben oui. Tu dis bah je quitte une routine, je sais pas où je vais. Donc j'ai décidé de faire une vie en parallèle. Je sais que c'est pas forcément bien. Mais non, c'est même mal. Et ton amant, il a pas envie aussi à un moment d'être officiel après un an et demi? Ouais, mais il le sait. Ben non, il le sait pas. Ah, il le sait pas non plus. D'accord, ok. Non, mais vu comme ça, je pense que là, on est au top. Hein. On a trouvé énorme. On a trouvé ton penchant féminin. Ah ouais, non, je l'aime bien. Ouais. Voilà le son de Katy Perry à l'instant, c'était Happy Birthday. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Bon et rassurez-vous, on va la récupérer Shaima dans quelques minutes. Shaima donc qui a un mec depuis 10 ans. Qui sort avec un autre depuis un an et demi. Elle attend un enfant du second, bien entendu. Et elle a déjà dit ouvertement qu'elle reste en fait avec le premier par pitié parce qu'il est dépressif. C'est ça. Et que bah il y a un moment ça va poser un problème. Donc voilà. Elle voulait savoir quoi faire. Elle voulait avoir des conseils. Donc c'est pas la peine de l'insulter, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez quand même donner des conseils si vous le souhaitez. 01 42 48 5000 depuis la Belgique. Vous faites le 02 851 4x0. Vous passerez en direct avec nous. Et on est là jusqu'à 2h sans pub. Et on est au cœur de la nuit sans pub justement. On est là jusqu'à 2h du mat. On est là jusqu'à 2h sans pub, j'ai dit. Je suis con alors. Ah mais ça c'est le dos. Ouais, ça doit être ça, ouais. Le bleu en train de remonter. Ouais, peut-être, ouais, effectivement. T'imagines, il arrive au niveau de la gueule. Heureusement, il descend, je pense. J'ai déjà raconté, j'avais un bleu sur la... Je me suis ouvert la tête. Ouais. Ici, là, au front. Ouais. Hein. Donc, ouais. J'ai 13 points de suture. Ouais. Et en fait, j'avais un bleu. Ouais. Et j'avais l'impression de ressembler à Elephant Man. Je ressemble toujours à Elephant Man. Et en fait, le bleu est descendu de tout le visage. En fait, j'avais la tête complètement déformée. Et après il est descendu jusqu'ici là, tu sais. Mais tant que ça descend. Ah oui oui, il descend. Voilà. Ah oui, c'est que ça. Donc, heureusement, en fait, il remontera sang, pas quoi. Non. Bon bah c'est déjà ça. Parce que me voilà sauvé pour ceux qui n'étaient pas là, parce que je me suis pété la gueule la semaine dernière dans la douche à cause d'une anesthésie. Enfin bref. Et donc du coup, je me suis vautré le dos et donc ça fait mal. Bon, Stéphane et Enzo, vous êtes là ? Oui. Ouais, très bien. Allez, hop. Il y avait 10 je t'emmerde pour Stéphane et seulement 4 pour Enzo. On va donc recommencer par toi, Stéphane. Tu vas tenter de battre ton propre score. Le principe est toujours le même. On appelle des gens au hasard. Tu dois placer un maximum de je t'emmerde dans la conversation. Conversation qui doit être naturelle. Pas balancer de je t'emmerde les uns derrière les autres gratuitement. Ça ne servirait à rien. On y va ? On y va. Et sinon, toi, il arrive quand il veut hein, pour compter les je t'emmerde là. Parce que je sais pas où il est passé. Je vais le faire, je vais compter à sa place. Bon, alors on y va, c'est parti. Dès que t'entends plus la musique en dessous de toi, Stéphane, tu dis allô. Et il ne faut pas utiliser le même scénario qu'au premier appel. D'accord. Allez, bonne chance. Allez. Oui, allô. Allô. Oui. Dis, t'arrêteras de m'appeler en disant je t'emmerde. Parce que tu sais, le téléphone ça coûte cher, donc arrête de dire je t'emmerde. Et vous êtes qui là? Bah c'est toi qui m'appelles, donc tu devrais bien savoir qui c'est que je suis. Ah, donc arrête de dire je t'emmerde. Non, mais je vous appelle pas du tout. Hein. Non, mais arrête de dire je t'emmerde. Ok, bon allez, je vous souhaite une bonne soirée. Au revoir. Je t'emmerde. Hop, ils sont valables, ouais. Ça a été dit avant le raccrochage au nez. Hein. Combien, Toff? 18. Oh là là, Enzo, la barre est haute. Hein. Ouais. Ah oui, la barre est très très haute. Mais bon, pour l'instant, le casque DJ part chez Stéphane, on va voir. Enzo, on y va, on appelle. À toi de jouer, Enzo. Dès que t'entends plus la musique, tu dis allô et tu démarres. Hein. Allez, 18, c'est jouable. Faut tomber sur un bon client et être bon également. Allez, on y croit. Que ça décroche, qui n'a pas l'air d'être gagné. Allô. Il s'est gagné. Et Enzo ne dit pas allô. Allô. Oui, allô, c'est Vessel, le papa de Mamadou. Non, vous êtes trompé de numéro là. Non, mais non, le papa, c'est mon fils Mamadou. Alors je voulais savoir ce qui s'est passé tous les ça avec mon fils. Non, mais vous trompez de numéro là. Non, mais je t'emmerde, mais écoute-moi. C'est important. Donc maintenant je t'emmerde, ok, tu m'écoutes. Eh ben voilà, il a été bon là. Mamadou, voilà. Hein. Il a été bon Mamadou. Tu es bon Mamadou. Bon, écoute, bravo. En tout cas, Enzo, je voulais quand même te féliciter parce que si on devait donner un cadeau à celui qui a été le plus original, pas forcément le meilleur à la preuve, c'est toi qui gagnerais. Ouais. Malheureusement, on s'en branle. Et donc, c'est Stéphane qui va repartir donc avec le casque DJ puisqu'il en a placé Michel. 18. Oui, Enzo. Je peux passer les dédicaces ? Non, une. Une seule personne, choisis la bonne. D'accord. Bon bah je passe un dédicace à Vichy le Padre dans un land et voilà, bah c'est tout en fait, hein, voilà. Et bah voilà. Et bah très bien, bah, le message est passé, Enzo. Merci. Salut Enzo. Allez, la prochaine fois tu seras meilleur, t'inquiète. Salut à toi Enzo, bye. Et puis Stéphane, bravo à toi, hein, puisque tu repars avec le casque DJ, félicitations. Tu retournes chez Sandro au standard, on va gérer ça avec elle. D'accord, par contre, il y a possibilité de passer une petite jiggy ? Ben bien sûr, choisis la bonne, vas-y, une seule. À nous, bah, c'est gentil. Oh, ça c'est sympa. Bah, pour une fois, tiens, enfin, c'est gentil. Quelqu'un qui pense à nous. Bah merci beaucoup Stéphane, c'est super gentil. D'accord. Et tu reviens quand tu veux, Steph, à bientôt. Bientôt, ciao. Merci. Allez, à bientôt Stéphane. Et puis restez là, puisque dans un instant, je vous cale le son de Pitbull. Ce sera We Are One sur Fun Radio. Il y aura aussi le son de Madame Pavoshko. Non, je suis pas en prison à l'hosto. Non, je fais des hits, Madame Pavoshko. Et puis je vous l'avais promis, le son également qui va débarquer dans quelques minutes. Ce sera celui d'Avicii, un de mes sons préférés pour l'instant. Lay Me Down. Et si vous avez envie d'écouter des sons en particulier, bah, suffit de demander, hein. Vous mettez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. Et puis vous pouvez aussi envoyer vos messages évidemment avec le Facebook. Il y a le Bœuf Ferré d'ailleurs qui a envoyé son message. Si Toff était une femme et que les rues étaient pavées de bites, il marcherait sur le cul tellement ce serait une salope. Oh putain. Ah t'es original le Bœuf Ferré toi ce soir. Hein. Et à Mathis qui dit Mickaël, les Portugais de Benfica ont perdu en finale de la Coupe d'Europe contre Séville, t'es pas déçu? Bah si, mais bon après c'est les tirs au but, qu'est-ce que tu veux, c'est les tirs au but quoi, voilà, c'est pas comme s'ils avaient tout déchiré les mangeurs de chouros. Oui, qu'est-ce que c'est que ce racisme? Scandaleux. savez qu'un jour, il y avait un match, j'étais à la radio aussi, d'ailleurs, avec Toff aussi, on faisait le soir. Hein, et il y avait un match, c'était, je crois que c'était Portugal. Non, il y avait Portugal qui jouait contre je sais pas qui et l'Espagne qui jouait contre une autre équipe. Et en tant que. Donc je suis pas fouteux, mais là je m'étais mis dans, l'état d'esprit d'un fouteux. J'avais dit oh putain ces putains de bouffeurs de churros ou je sais plus quoi. Et il y a un auditeur quand même qui a déporté plainte au CSA pour propos racistes. Mais c'est normal, c'est mais normal. Non, arrête, c'est bon. Ah non, ils mangent des churros, les Portugais font bien des murs, ils font de la maçonnerie. Va te faire enculer voilà. Toi. Bon, il y a Maxime qui dit ah oui, ça c'était par rapport à notre ami Shaima qu'on va récupérer dans quelques minutes. Mais avant cela, cette star. Oui, la grande star de ce soir, hein, y a les teubés de la télé dont on va parler. Hein, et il n'y a pas que les ch'tis et les Marseillais qui n'y connaissent rien en géo. Il y a les députés également qui en tiennent une belle couche. Monsieur le député, vous devriez réviser votre géographie. Abu Dhabi n'est pas en Arabie Saoudite. Abu Dhabi fait partie des Émirats Arabes Unis. Ouais, et bim dans ta gueule. On va pas chipoter dans le détail, c'est pas comme s'il avait dit qu'Abu Dhabi c'est en Australie, tu vois. Bah oui, en plus c'est le désert tout ça. Voilà, tu vois, c'est ça, il y a rien, il y a du sable. Bon, et un autre extrait, c'est fait d'être connu, ça n'a pas que des avantages. Julien Courbet justement on a eu un très très bel exemple. Je marchais dans la gare et il y avait un couple et le monsieur, je le vois bien, me regarde et me reconnaît mais sans trop savoir et il s'est tourné vers sa femme comme j'entendais bien, il me dit dis donc. C'est pas l'autre con de la télé. Mais on le dit souvent avec Toff à la radio. Mais c'est pas l'autre con de la radio là. Ouais, c'est ça. C'est pas l'autre con, l'autre raclure. Ouais, si. Bah si, c'est lui. Hein. Et puis dans les amours, il y a un couple qui nous donne le petit nom de madame. Et comment vous la surnommez? Non. Ma petite boubourse. Ma petite boubourse. C'est possible. Oui, c'est surtout pas terrible. Hein, donc Tu l'appelles comment ta meuf, Toff? Bah, je l'appelle pas, mais. Non, mais arrête, t'as une meuf, commence pas à jouer en détail. Non, mais je les appelle pas, je les appelle pas. Non, non, c'est des numéros en fait. Non, enfin, je les appelle pas. 06 17 23 37 42, tu peux venir ce soir? Non, mais je les appelle pas à ma chérie ou machin, quoi, je l'appelle par son prénom, c'est tout. Genre, il fait passer pour un rebelle. Attends, il me semblait qu'à une époque, tu leur donnais des petits surnoms minables. Jamais. Tu joues ton warrior. Bah. J'ai jamais donné de nom à des meufs. Combien de fois je t'ai vu dans le... Mais attends, il faut qu'on se souvienne. On a passé... Alors, attends, parce que là, il faut le dire. Est-ce qu'on peut voir la musique? Évidemment. On se connaît depuis presque 10 ans. Exactement. Et moi plus encore. Voilà. Et alors, on en a vu passer de la raclure de meuf. On en a vu passer. Ouais. Tu leur donnes des surnoms. Oui, il me semble. Tu aussi, les mais... caresses comme ça. Non, il fait des poutous. Il fait des poutous. Non, des loulous. Je sais pas quoi. Si, il donne des surnoms. Ma douce, et il est vos voix. Ah oui, ça, oui, surtout. Vous, ouais. ma chère, vous. Ouais. Si, c'est vrai. Vous pourriez me porter un petit peu l'eau. C'est vrai. Mais non, c'est pas vrai. C'est vrai. Oh, donc on est des menteurs. Donc on est des menteurs. On a passé des soirées dans ton appartement monstrueux. Enfin, que tu n'as plus maintenant. Ouais. Non, malheureusement, les impôts sont passés. Il a été saisi. On a fait des barbecues chez Toff. Alors que je comprends pas parce qu'il y en a d'autres d'ailleurs qui bossent dans d'autres radios qui sont smicards avec 1 200 € par mois et qui ont des apparts d'un million. Donc tu ouais, vois, je comprends c'est pas. C'est que tu dois mal gérer. Hein. Bah ça doit être ça. Ouais, ça doit être mauvais, c'est tout à mon avis. Parce que c'est comment peut-on gagner 1 200 € par mois et avoir un appartement de ouf alors que t'en gagnes 6 000 à 7 000 là facile minimum. Bah, mais, là ça c'est les mauvais mois. C'est quand je me démerde mal. Et que tu dois loger chez le sous chef. Bah oui. Qui te prête un appartement comme un tel un clochard. Qui m'héberge à côté de chez lui. Exactement. Ouais. Donc je comprends. De vraiment mal géré, hein. La preuve. Enfin, bon, tout ceci est vrai, bien entendu. Il y a Maxime qui avait envoyé son message qu'on va lire dans quelques minutes par rapport à Shaima. Et comme on était dans les prénoms un peu bizarres, là, et enfin dans les surnoms un peu bizarres avec l'extrait, donc dans les amours, j'ai un super site pour trouver votre nom en finnois. Ah, c'est bon ça. Voilà, enfin c'est en Finlande, là, tu vois, ouais. Il parle finnois. Et donc envoyez-moi vos prénoms et je vous dirai qui vous êtes. Voilà, donc Toff a déjà fait le test. Oui, j'ai fait le test, mais je me souviens plus. Ah bah bravo, très bien. Bon, on va le refaire dans quelques minutes alors du coup. Envoyez-moi vos prénoms maintenant. Il s'appelle Vluktklut. Voilà, envoyez-moi vos prénoms maintenant sur le Twitter avec le hashtag Mikael, c'est important. Ou alors sur le Facebook, tapez Mikael officiel pour nous rejoindre. Et la traduction finnoise, c'est la salope qui court sur la neige. Tout à fait, exact, c'est très important. Non mais c'est très important. Dans un instant, on va récupérer Shaima, la belle, la grande, la magnifique Shaima et surtout la meuf en cloque. Mais pas de son mari, d'un autre. Shaima, juste une petite question avant de te reprendre. Dis-moi. On te reprendra juste après Pitbull hein, avec We Are ouais. One. Ouais. J'ai une petite question. Vous avez encore des relations sexuelles avec ton premier mec? Pas trop. Bah, c'est pour ça qu'il doute. Je peux pas lui dire que je suis enceinte. Il va savoir que c'est pas lui, forcément. Oui, fatalement. Forcément. Oui. Bah, tu dis pas trop, donc ça veut dire que quand même un petit peu malgré tout. Oui, mais quand je te dis un petit peu, allez. à tout casser, il y a peut-être 8 mois en arrière là. Ah oui, donc ouais, donc 6 mois ça rentre pas dans la carte. Ah. Ça rentre pas. Ouais, ah, 6 mois ça rentre pas. Non, ouais. Même je veux pas lui dire que c'est lui le père, alors que c'est pas lui le père, non. Oui, ah, enfin, il y a un moment, ça va être rond parce que tu vois quand tu deviens gros, quand tu prends du poids, c'est oui. C'est gras, etc. Quand ouais. T'es enceinte, c'est quand même bien tendu, tu vois. Donc normalement bah là, ça se voit. Si tu veux, quand je rentre, j'essaye de mettre des vêtements amples, il voit rien du tout. Bon. Mais okay. Vraiment rien du tout quoi. Et quand je te dis que franchement psychologiquement il est pas bien, donc il est plus dans son délire que de regarder comment je suis quoi. Oui non mais après peut-être qu'effectivement t'es plus il est plus trop intéressé. Hein. Bon écoute, on en parle dans quelques minutes, reste avec nous, ouais, il y aura Laurent qui voulait donner son avis, on aura Kenzo, on aura Philippe, on aura Sarah, et puis on aura Marvin aussi pour les prénoms finnois, et on aura la colle avec Pierre, bah du coup tiens Pierre, je l'appelle Colle maintenant, tiens. Pierre oui. Bon, on était un peu perturbé avec tous les jeux et tout le bordel là. On va donc maintenant refaire un petit tour du côté de la colle. Fais péter la colle, Pierre, pour repartir peut-être avec l'iPad mini, on t'écoute. Alors, je peux être très salé, mais sans moi, la musique n'existerait même pas. Voilà. Bon, si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Il y a Théo qui dit on proposait la mer. Ah non. Il y a Mickaël sur le Facebook qui proposait le sol. Non. Timothée qui proposait les écouteurs. Non plus. Il y a Robin qui proposait une bite. Mais non, on l'a déjà dit que c'était pas la bonne réponse. Ah non, on l'a déjà dit ça. Et Enzo qui proposait la sol. Non plus. Bon, bah tant pis. Si vous avez la bonne réponse, à vous de jouer. Vous envoyez Mickaël suivi de la réponse au 64-900 par SMS, au 63-22 depuis la Belgique. Et vous pouvez bien entendu aussi jouer sur le Facebook. Je vous ai mis la colle si vous voulez la lire. Vous tapez Mickaël officiel sur le Facebook de l'émission. Et puis, bah peut-être que ce sera vous le gagnant de l'iPad mini. On joue dans une... Même pas 10 minutes. Tu restes avec nous, Pierre ? Mais il n'y a pas de souci, je serai là. T'as plutôt intérêt, cela dit, si tu veux gagner, évidemment. Allez, restez sur Fun Radio, c'est Mickaël No Limit. On est ensemble jusqu'à 2h du mat et on s'écoute Pitbull et Gino. Maintenant, c'est We Are One, la musique de la Coupe du Monde. Dans une autre dimension, Mickaël est président. Yes, we can. Toff est père de famille. Polo est un gangster. Et Sandro, un petit chaton. Mais dans votre dimension, Mickaël. Ils sont à la radio tous les soirs de 23h à 2h sur Fun Radio. Le son de Pitbull sur Fun. Tous les soirs sur Fun Radio, prenez le contrôle avec le hashtag MIKL sur Twitter. Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct, il est minuit 28. Il y a plein de messages qui arrivent avec les prénoms. Bah oui, je vous ai demandé de nous donner votre prénom puisque j'ai trouvé un site finlandais qui te donne ton nom. Ton surnom plutôt. Voilà, donc moi en l'occurrence, c'est un générateur. Donc mon nouveau nom, c'est Uko Maki. Uko, c'est le nom du dieu du tonnerre et Maki, c'est une colline. C'est un petit c'est sushi. Beau, non? Oh, c'est mignon. Uko Maki. Attends, on va essayer avec Polo pour voir. Alors, attends. Alors. Donc, Polo. Tapons Polo. Et Polo. Oh putain, c'est quoi ce nom de merde? Kaleva Manisto. Ah, Kaleva, bah c'est dans la mythologie le nom du géant. Et Manisto, c'est Pined. Voilà. Donc, on est bien avancé avec ça, tiens. Alors, Toff, c'est quoi? Attends, on va le retaper, hein. Sauf c'est... oh putain. Vainamo Kotiranta. Ah oui, c'est pas mal aussi celui-là. Vainamo, c'est nom et évocateur d'un gros enculé. Et Kotiranta, c'est sous-merde. Ah oui, bah oui, c'est normal. Bah ouais, alors. Putain, ça tombe nickel. Hein. Non mais c'est vrai. On va essayer Sandro là pour voir. Attends, Sandro, ton nom en finlandais. Ali Kesala. Ali, variété de... Oh merde, mon dos, putain, ça fait mal. Connard. Pardon. Attends, mais t'as mis Sandro ou Sandra? Sandro. Mais Sandra. Non. Donc Ali comme une variété de canard sauvage. Oh mon dieu, ça fait mal. Putain, faut toujours que ça tombe sur mail. Et alors, Kesala, c'est le lieu de séjour estival. Vraiment un nom de merde. Hein. Oh, putain. Mais fais Sandra. Attends, bah, je vais essayer Sandra. Ça peut être pire, hein. T'es consciente de ça? T'es sûr? Attends. Tu prends le risque. Et bien, très bien, prends le risque. Alors, là, Sandra, Koski. C'est, Lumi, c'est la neige et Koski, c'est une chute d'eau. Ah, c'est mieux. C'est plus mignon. Moi, je préfère le canard. Bah oui, ça m'étonne pas. Je préfère le canard sauvage. Attends, il y a Shaima. Oui. On va essayer toi, tiens, en finlandais pour voir si ce que ça donne ton prénom. Grosse biatch. Non, c'est pas vrai. Attends. Alors Shaima. Fais des gosses avec n'importe qui. Lumi Porola. Ça veut dire donc Lumi, c'est la neige, hein, comme Sandra. Et puis Porola, c'est territoire des reines. Ouais. Bon, c'est sympa, c'est poétique. C'est naze. Attends, il y a Vive les Sodomites qui demandait Clément. Vous pouvez me mettre l'écriture encore, parce qu'il y a Polo et Toff qui font quelques tris dans les messages, encore plus grand, parce que là je vois mais mal. Mais on n'y peut rien, c'est parce qu'on te met les traductions. Ah d'accord, ok, très bien. Et on va corriger. Alors attendez, donc Clément, c'est Otso Sinivuoko. Ah oui, Otso, c'est l'ours, le roi de la forêt, et Sinivuokoko, c'est anémone hépatique. Ah bah voilà, donc comme ça tu es un ours, Clément. Tu as une maladie, c'est une hépatite, c'est ça? Exactement, ouais. Alors, il y a quoi aussi? Il y a Jimmy qui dit, c'est quoi Jimmy en finnois? Alors c'est Uko Merima. Uko, c'est le nom du dieu de la tonnerre, du tonnerre, pardon, comme moi, et Merima, c'est une terre côtière. Il y a Reynald qui voulait savoir aussi pour les Reynald comment c'est. Alors je vais vite en faire un, puis on en fera l'autre tout à l'heure. Reynald pour un homme, donc ça fait Piri Ongisto. Piri, c'est le blizzard, et Ongisto, c'est une pinède. Ben, c'est comme Polo, tiens, la pinède. Bon, bah ben, continuez, hein. Il y a Fatrialba qui voulait aussi savoir, là, on va faire ça dans quelques minutes. N'oubliez pas, si vous avez envie de connaître votre nom en finlandais, donc qu'est-ce que ça veut dire, votre prénom, eh bien vous envoyez votre prénom donc sur le Twitter avec le hashtag Mickaël, et puis sur le facebook.com/Mickaël officiel justement. Bon, alors avant de faire les appels de Toff, puisqu'on était dans la tromperie, Shaima, t'es de retour. Shaima nous avait appelé de Lyon. Elle est avec un mec depuis 10 ans, elle le trompe depuis un an et demi, et surtout elle est en cloque depuis 6 mois. Évidemment, du deuxième, bien entendu, sinon c'était pas drôle. Et bah ouais. Et il y a Sarah d'Arnouville dans le Val d'Oise qui voulait réagir. Salut Sarah. Salut Mickaël. Comment ça va? Ça va très bien, merci. Bon, ben, bienvenue à toi Sarah. Attends, je vais quand même vérifier ton nom aussi en finlandais. Alors attends, Sarah, hop là, donc tu es une femme. Sarah, c'est quoi ton surnom en finlandais? C'est Ilmatar Lyoto. Ilmatar, c'est la déesse du ciel. Oh, c'est beau. So sweet. Et Lyoto, c'est un îlot. Voilà, tu es la déesse du ciel sur un îlot. Je cherche pas à comprendre. Ah bah c'est des Finlandais. Hein. Ils sont Finlandais. Bon alors Sarah, tu voulais donner ton avis par rapport à Shaima, toi? Bah moi je pense qu'elle devrait quand même le dire. À qui? Aux deux. Ah aux deux, moi je suis pas d'accord avec ça, mais bon vas-y quand même, dis-nous tout. Pourquoi moi, aux deux, dis-moi. Parce que je pense que si un jour la vérité elle s'apprend, vous serez assez déçus. Et puis même pour l'enfant, je pense que s'il grandit pas avec son vrai père, ça risque d'être dur le jour où il apprendra la vérité. Ah non mais attends, l'enfant c'est la petite graine du deuxième, hein. Oui, j'ai bien compris. Et elle veut se mettre avec le deuxième, enfin elle est déjà, mais je veux dire, elle veut officialiser avec le deuxième et elle veut virer le premier. Voilà. Hein. D'accord. Tu vois? Donc si elle le dit pas au deuxième, à la limite, c'est pas très grave. Il vaut mieux qu'il le sache pas. Oui. Je me mets à la place du deuxième. Je suis avec une meuf qui me fait croire, enfin qui me fait croire, je crois en l'occurrence, que je suis le mec officiel, on va avoir un bébé et tout le bordel. Si jamais elle se fout, enfin elle est avec un autre mec depuis perpète ou même pas depuis longtemps, je préfère qu'elle ne me dise rien et qu'on continue comme si de rien n'était, mais surtout qu'elle lâche le premier mec évidemment. Mais je préfère ne rien savoir plutôt qu'elle me dise qu'en fait elle est avec quelqu'un depuis longtemps, blablabla, blablabla, tu vois. Surtout qu'il m'a présenté à sa famille, voilà, tout a été officiel hein, pour le deuxième là. Ah ouais, vous allez vous marier, tout ça, ça va être la folie, non? Ça va être top, tu vas être trop bien. Ah oui, bon. Oui, effectivement, ça change tout. Ah oui, évidemment. Attends, on va quand même prendre l'avis de Philippe également, qui est avec nous dans le Pas-de-Calais là. Salut Philippe. Ouais, salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ah, ça va très bien, quand je vous écoute, je suis très bien. Eh ben tant mieux, écoute, bah, sois bienvenue Philippe. Bon, alors toi, tu voulais donner ton avis aussi par rapport à l'histoire de Shaima? Ah, Shaima, moi je dis, d'abord, d'une, d'abord, c'est pas une pute. Ah, c'est Jeanne dans le studio qui avait dit que c'était une pute. Si, tout à l'heure j'ai entendu... Oui, c'est ce qu'on t'a dit, on t'a dit c'est Jeanne dans le studio qui a dit que c'était une pute. Oui, mais d'abord c'est pas une pute. Oui, bah, on a compris, parce que c'est Jeanne dans le studio qui a dit... D'abord, je suis pas une pute. Je parle, là. Comment? J'y dis, attends, je suis en train de parler, là. Eh, moi aussi. Eh, oh, eh, oh, tu parles absolument, Mickaël. T'es où, là? C'est pas parce que t'es à 60 balais, là, que, hein, bon. Alors, comment ça se passe? Hein? Il pourrait être le daron de toute l'équipe. C'est vrai. Ouais, vous êtes encore des petits-enfants, hein, attention. Ah oui, c'est vrai, ah, oui, c'est vrai. Bon, allez, vas-y, laissons Philippe parler. Bon, merci. Alors, je voulais dire... Je voulais dire que c'est pas une pute. Oui, ça, je l'ai déjà dit. Ouais. Cette femme, elle a trouvé du plaisir avec son amant. Oui. Elle a eu beaucoup de plaisir, elle s'est fait chier avec un mec certainement qui doit rester sur ordinateur du matin au soir, qui ne la regarde même pas, qui voit même pas qu'elle est enceinte depuis 6 mois, hein, qui voit rien du tout, qui la baise même pas, et bien il faut qu'elle largue ce mec-là, et puis qu'elle trouve son bonheur avec son amant, et puis qu'elle prenne son pied, et puis qu'elle prenne son bonheur avec ce mec-là. Voilà mon avis. Eh ben oui, je suis assez d'accord. Voilà, Mickaël. Oui, mais c'est dur de dire à quelqu'un au bout de 10 ans, de dire, bah voilà, c'est terminé. Mais on va l'appeler, on va l'appeler, on va lui dire, on va t'aider. Shaima, il y a un moment, si tu veux les remords, faut les avoir avant. Hein. Ah oui. Oui, oui, là, c'est maintenant, vrai. Là maintenant, le fait de le virer, c'est plutôt un service que tu vas lui rendre. Hein. Bah oui. Mais oui, écoute, tu peux pas dire c'est dur, et si c'est dur. Oui, non, mais bon, mets-toi sa place. Imagine, t'as un mec qui se fout ta gueule comme tu fais toi, en l'occurrence. Ah non, moi je le tue, moi. Non, mais c'est, non, mais c'est même pas ça, c'est que surtout. C'est que surtout, t'aimerais bien. Non, mais c'est surtout que t'aimerais bien quand même le savoir pour qu'il y a un moment où tu puisses tenter de recommencer quelque chose avec quelqu'un d'autre rapidement. Bah ouais. Parce que là, les années passent, tu veux, ça fait 10 piges, t'es avec lui. Ouais, mais lui, en fait, voilà, il va pas supporter. Il va me dire, moi, en 10 ans, je t'ai demandé de me faire un enfant, t'as jamais voulu. Et là, voilà, le premier venu, entre guillemets, hein, pour lui, ça va être le premier venu. Mais ne lui dis rien, mais tu t'en fous, tu dis, voilà, écoute, bah, c'est fini, voilà, c'est terminé, on arrête. Ouais. Bah oui, à un moment, tu veux. Tu dis rien, et puis tu lui dis, voilà, j'en ai marre de ta gueule, je ne veux pas te voir sur l'ordinateur du matin au soir, en train de chiquer tes bières et machin, moi je dégage, tu dis rien du tout, et puis après tu t'en vas avec ton amant, et puis tu fais ta vie avec ce mec-là, parce que ce mec-là, tu l'aimes en plus. Ah oui, franchement, oui, moi je te dis, je l'aime. Et bah si tu l'aimes, c'est parce qu'il te fait bien l'amour, c'est parce que tu prends du plaisir, et bah profite-en, mère, amuse-toi. Ben voilà. Allez, on l'appelle, on lui dit que c'est fini. Non, mais non, non. Mais non. Si, mais si. Non, non, non, pas après 10 ans, le mec et tout. Mais non, mais c'est pas parce que toi, t'es un gros enculé pas, qu'on doit tous le faire. Mais elle le fera pas, et je suis pour, on n'est pas son père. Je suis en train de rentrer, je suis sur la route. Si, il faut que je lui dise, parce que. Non, même mais bien sûr, il faut que moi, tu dises. Bah, tu veux dire. C'est lourd, c'est. Voilà, même pour moi, c'est pas une situation facile, hein. Bah, non, je me doute. Enfin, en attendant, quand tu prends une petite cartouche, c'est une situation facile quand même, hein. Ouais, mais c'est pas facile après quand je rentre aussi. Ah bah oui, parce mais que ça... je me dis voilà, je me retrouve à côté de quelqu'un, pour moi, bah j'ai plus d'amour, j'ai plus rien. Pour te dire, hein, je fais même chambre à part, je dors sur le canapé. Ah bah voilà. Donc, pour moi, attends, mais arriver. Ah mais ça c'est pas une vie. Mais c'est clair, arriver à ce point-là, je comprends même pas que vous soyez encore ensemble, je dirais à mort. Pour moi, on est plus ensemble, mais lui, ce qui se passe, c'est que il est tellement faible de caractère, il a perdu son travail, il a ça. Et non, mais c'est des fausses excuses. Oui, mais tant pis, peu importe, t'es pas sa mère. Non mais t'es pas sa mère, il y a un moment, voilà, c'est pas parce que t'es avec quelqu'un qui peut être faible ou qui va être triste. Ou n'importe quoi. Bon bah oui, ça évidemment il va être triste, c'est évident, évidemment il va dire ma vie est foutue, c'est normal. Ouais, voilà, et puis il va se refaire. Bah voilà, c'est comme ça, tu vois, après c'est peut-être pas obligé non plus de partir en froid. Enfin quoi que quand il va apprendre, à mon avis, je pense qu'il va vraiment plutôt mal le vivre. Ouais. Mais pourquoi pas, si éventuellement vous restez amis, why not, on sait jamais. Mais il y a un moment, oui, au début il va être dans la merde, au début ça va lui faire mal, au début il va peut-être pleurer, certainement, probablement même, et puis bah il va se refaire, et c'est la vie, et puis c'est certainement pas la première galère qu'il a eue avec des meufs, et c'est pas la dernière non plus. Hein. Donc voilà, mais il y a un moment, faut arrêter de dire oui, mais il va être triste, bah oui, il va être triste. Ah oui. Après, c'est vrai que c'est pas une vie pour moi aussi. Mais c'est même pas pour lui, même pour lui non plus. C'est pas une vie pour lui non plus. Bon, écoute, essaye de fais-le. Tu vas le faire quand? Eh ben là, ce soir. Là, ce soir. Bon, tu veux, si tu veux, on peut te. T'as quitte ma livre et l'oreillette? Non, là, j'ai pas quitte ma livre et l'oreillette. Merde, parce que sinon, t'auras plus. Non, pas là maintenant, mais tu pourrais la voir ou pas? Ouais, bah quand je vais rentrer. Bah parce que sinon tu laisses le téléphone, tu laisses l'oreillette et puis après nous on souffle les trucs pour le dire. Ou alors tu te le mets dans la chatte le téléphone. Super, j'en parle un peu. Pour le voilà. Ouais, bah au pire, ouais. Voilà, comme ça on voit un peu ce qui se passe. Et puis on peut te donner des conseils aussi, si jamais, tu vois, comme on est des mecs, on peut aussi parfois te dire bah dis plutôt ça, il va être content, il va être moins triste, enfin tu vois. Voilà, t'es chez toi dans combien de temps là? Là d'ici 20 minutes. Bon bah très bien, on te reprend d'ici 20 minutes alors, d'accord? Allez, bah impeccable. Bon allez, à tout de suite, Shaima, là, bouge pas de là. Philippe et Sarah, merci à vous d'avoir appelé. Ouais, salut Mickaël. Et vous revenez quand vous voulez. Merci, bonne soirée. Salut, à bientôt tous les deux, ciao. Et puis avant de récupérer Kenzo et Laurent qui voulaient réagir aussi par rapport à la tromperie, mais c'est surtout par rapport aux appels de Toff que nous allons refaire d'ailleurs dans quelques minutes. Bah oui, on va d'abord donner la réponse à la colle avec Pierre. Allo, allo, t'es là? Oui. Bon, allez, c'est parti Pierre, on y va maintenant. Allons-y. On appelle le gagnant ou la gagnante. Si la personne qu'on appelle maintenant décroche et donne la bonne réponse, il gagne, tu perds. Si jamais c'est l'inverse, en l'occurrence qu'il ou elle n'a pas la bonne réponse, ou que bah ça décroche pas tout simplement, peut-être que ça dort, hein, on ne sait pas, et ben tu repartiras avec l'iPad mini. Pierre, on y va, c'est parti, on appelle. C'est parti. Allez. Et puis on écoutera Avicii aussi avec Lay Me Down à suivre dans quelques minutes. Allô? Allô? Allô? ça a l'air plutôt pas mal, Pierre, là. Ça s'annonce bien. Ça s'annonce pas trop mal. Oui, allô, bonjour, vous êtes bien sur le bonheur de midi. Je ne suis pas disponible pour le moment, donc veuillez me laisser un message après le bip sonore et je tenterai dès lors que possible de vous rappeler. Dès lors merci, que possible. À bientôt, ouais. Au revoir. À la fin de votre message, si vous souhaitez le modifier, tapez dièse. Salut Mehdi, c'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio, je t'appelle pour la colle et donc il y a Pierre qui a une colle à te poser. Vas-y Pierre. Alors, je peux être salé. Ouais. Je peux être salé et sans moi la musique n'existerait pas. Qui suis-je? Voilà, oui, c'est le répondeur. Mehdi, est-ce que tu as la bonne réponse? Alors malheureusement il ne donne pas de réponse. Le répondeur n'a pas de réponse à donner, Mehdi. Bon, c'est dommage Mehdi, hein, t'aurais pu repartir avec l'iPad mini. En l'occurrence là c'est Pierre qui gagne. Ouais. Et ben voilà Pierre. Yeah. Félicitations Mehdi, bah écoute, fallait décrocher, hein. J'imagine que tu t'es endormi. Ou alors pire, t'as peut-être aux chiottes. On sait pas. Bon bah bravo en tout cas Mehdi, tu retournes ta chance quand tu veux, y a pas de problème pour gagner l'iPad mini. Et puis bah Pierre, bravo, l'iPad mini dans ta poche, tu vas gérer ça avec Sandro, standard. Tu peux faire une petite dédicace avant de partir? Pas du tout. Si, vas-y, allez, une seule, t'as déjà gagné. Une seule, choisis la bonne. Alors je fais une grosse dédicace à ma croquette d'amour. D'accord, et bah le message est passé. Y a pas de souci. C'est ton chien? Oui, peut-être, ouais. Salut à toi là. Merci. Ciao. Au revoir. Allez, bye Pierre. Ah, je vous avais mis une photo aussi tout à l'heure sur le Facebook de l'émission, un petit peu avant l'émission, d'un t-shirt qui déchire tout. Je sais pas si vous l'avez vu. Ah oui, il est énorme. Le mec, il a un t-shirt jaune avec une avec un dessin, c'est genre un mec qui a une bouche ouverte, etc. Et il pose avec sa meuf qui a son sein juste à la hauteur de cette bouche ouverte. Moi, ça m'a fait marrer. Donc allez voir, dites-moi ce que vous en pensez, ça vous a fait rire ou pas. Facebook.com, tapez Mickaël officiel. Allez, je l'ai promis, on va se le mettre maintenant à minuit 41 au cœur de la nuit sans pub. Sur Fun Radio, le dernier son de Avicii, Lay Me Down. Juste après on fera quelques appels encore avec Toff. On va récupérer aussi comme promis Kenzo et Laurent pour parler de tromperie sur Fun. Eh ben voilà, on s'est mis avec Avicii, c'était Lay Me Down sur Fun. Ah, j'ai enfin trouvé la lampe du génie. Je vais enfin pouvoir faire les trois vœux. Alors, que Mickaël nos limites durent longtemps, qu'il continue à nous faire rire, et qu'il soit tous les soirs au top. Tu ne désires pas de montagne d'or, de Ferrari ou d'un vie éternelle? Non, Mickaël m'offrira le reste. Oh my god! Mickaël, nos limites. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et on est en direct sur Fun Radio, comme tous les soirs d'ailleurs. Si vous voulez balancer vos messages, c'est maintenant que ça se passe. Vous envoyez Mickaël sur le Mickaël officiel sur le Facebook pour nous rejoindre. Et puis vous tapez le hashtag Mickaël sur le Twitter de l'émission. D'ailleurs, on va se faire un petit top tweetos pour voir un peu où ça en est cette affaire. Mais bien sûr. Je rappelle qu'avant 2h du mat, on élira donc, enfin on élira pas, on verra dans les stats quel est l'auditeur qui a été le plus influent sur le Twitter de l'émission. Et on lui enverra un magnifique sextoy offert par passagedudésir.fr. Voilà, on a notamment des œufs vibrants, c'est nouveau, oui. Les nouveaux modèles qui sont arrivés. Tout neuf. Bah oui, encore heureux, c'est pas de l'occasion. C'est des vrais œufs? Non, pas des vrais œufs, ils se cassent à l'intérieur. C'est ça. D'accord. Bon, alors vas-y, numéro 5 pour l'instant. Vive les sodomites. C'est vive les sodomites. Numéro 4. C'est Jojo. Numéro 3. Fredes 34. Numéro 2. Ji Jong-woo. Ouais, c'est Jong donc. Et numéro 1. Le Bosniakov. Très bien, voilà. Donc si vous avez envie de faire bouger un peu le classement, si vous voulez gagner votre sextoy également, en faire part, passagedudésir.fr. Et bah il suffit de balancer un maximum de messages avec ce fameux hashtag et Mickaël. On compte sur vous et puis on vous attend surtout. Tiens, il y a un message de Ati qui dit: Ati dans la mythologie donc porté par le dieu de la mer. Attends, c'est qui ce qui parce que j'ai déjà la traduction au Toff, mais c'est quoi le prénom qu'il voulait? Ben Arnaud. C'est Arnaud. D'accord, ok, très bien. Non, parce que Arnaud, il voulait un message de bienvenue, donc ça on peut faire. Hein, par contre, hein, pas de problème. Je te mets de l'acide dans ton cul, moi. Voilà. Bah donc du coup, c'est Ati, Ati Maner, ton nom, toi. C'est Ati dans la mythologie, nom porté par le dieu de la mer et terre ferme pour Maner, justement. Il y a Alexane aussi qui voulait savoir en finnois quoi ça, ce que ça voulait dire. C'est Lumi Kontio. Lumi, c'est la neige. Kontio, c'est les ours. Voilà. Non, pas du tout. Ah pardon. Et alors Kevin qui avait donné la bonne réponse aussi, la mauvaise réponse d'ailleurs pour la colle. Et puis Kevin qui voulait savoir ce que ça voulait dire en finlandais. Son prénom c'est Oporola, Oto pour l'ours, le roi de la forêt, et Porola pour les territoires des rennes. Voilà, on l'avait déjà fait en plus pour Kevin, si mes souvenirs sont bons. Bon, allez, vous balancez comme d'habitude tous vos messages en direct avec le hashtag et Mickaël, bien entendu. Et on va se faire les derniers appels, enfin les derniers pour cette heure-ci en tout cas, derniers appels de Toff à base de tromperie, puisqu'on s'est rendu compte que la majorité du temps, si vous trompiez votre copain ou votre copine, eh ben c'était sur le lieu de travail. Oui, voilà. Donc parce que coup, c'est plus facile. Voilà, donc du coup, grâce au numéro que vous envoyez sur le mail de Tof tous les soirs, toph@funradio.fr, et bien on vérifie ces sondages. Voilà, allez, donc allons-y. C'est parti. Eh ben on y va, on appelle maintenant minuit 49, on est un peu à la bourre, et on récupérera Laurent et Kenzo pour en parler d'ailleurs dans quelques minutes. Alors, et puis il y aura Damien aussi dans un instant direct. Allez, allez, allez, allez, allez. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Bonsoir. Oui, bonsoir. Voilà, en fait, je vous appelle parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre femme avec une collègue. C'est une blague. Ouais. Non, pas du tout. Déjà un soir comme ça. Mais pas du tout, monsieur. C'est une question. C'est pas une blague. On dort là. Oui. Allez, bonne soirée. Au revoir. Oui, mais vous avez pas répondu à la question, monsieur. Il est en forme, lui. Hein. Ah, il est pas mal. Il est pas mal. Ah, il est en pleine forme. Attends, on va le rappeler. Attends. Parce que je pense qu'au deuxième appel, il sera réveillé. Oui, il va être bon. Oui. Il va être mûr. Moi, je pense. Oui, allô ? Allô ? Oui, bonsoir, madame. Oui, je vous appelais parce que je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre mari avec un collègue de travail. Dis-lui d'aller se faire enculer. J'hallucine ou c'est encore la même personne qui rappelle sur le chez nous ? Ah oui, mais vous n'avez pas répondu à la question, madame, donc moi, je suis un peu obligé de il vous rappeler. Il n'y a pas eu de tromperie, donc au revoir. Voilà. Oh, mais enfin, madame, votre mari est un peu vulgaire, quand même. Insulte-le, adieu. C'est trop... Insulte-le, ce connard. Attends, on va le rappeler, du coup. Qu'il aille se faire enculer. Vous avez entendu, au deuxième appel, il avait l'air vachement plus réveillé. Hein. Non, mais ce qui est énorme, c'est qu'il dit à sa femme, insulte-le. Mon Dieu. Attends, on va le rappeler, calmez-vous, on va le rappeler. J'espère que ça va être lui. Ouais, bâtard. Oui, monsieur, ça se fait pas d'insulter les gens comme ça. Ah, si. Ah non, monsieur. Ah, non. Si, moi, tu commences à me casser les couilles, c'est clair. Ah, mais pas du tout, monsieur. Moi, je vous appelle gentiment pour vous poser une petite question. Eh bah, moi, j'ai pas envie de répondre à tes questions, connard. Bah, pourquoi, c'est clair. Pourquoi, monsieur, ça se fait pas? Attends. Parce que je t'emmerde, connard. Mais non, monsieur, vous pouvez pas m'emmerder, enfin. Monsieur, ça se fait pas, ça se dit pas des choses comme ça. Ah, si, ça se fait. Mais non. Bah, et franchement, pour les bouffons de ton genre... J'ai pas de gentillesse, mais d'accord. Ah bah enfin, monsieur, je suis pas un bouffon, pourquoi vous dites ça? C'est un bouffon, connard. Mais non, monsieur. Moi, je vous appelle juste pour vous poser une question. Vous pourriez répondre au lieu d'être désagréable. Mais si toi, bâtard, t'es pas foutu de baiser ta femme, tu fais ce que tu veux, d'accord? Tu me casses pas les couilles, c'est clair? Oui, alors écoutez, non, monsieur, je suis pas d'accord. Moi, je vous appelle, je vous pose une question. En plus, vous êtes très... Je vais viens baisser ton froc, on en causera après, d'accord? Mais pourquoi vous voulez que je baisse mon froc, monsieur? Vous êtes homosexuel? Ouais, voilà, bon, je suis bi. J'aime les hommes. Les enculés de ton genre, je les aime bien, j'aime bien les enculés, moi. D'accord. J'aime les enculés. D'accord, mais ça veut dire que donc vous trompez votre femme? Tout à fait, ouais, avec des connards comme toi. Ah, donc vous trompez votre femme avec des connards comme moi? Voilà. C'est un peu bizarre, non? Ouais, bah, c'est toi qui es bizarre. Et franchement, amène ta gueule, c'est tout bizarre à part ça, toi. Mais pourquoi, vous allez me faire quoi, monsieur? Je vais te casser ta gueule, connard. Ah bah non, c'est pas gentil ça, monsieur. Pourquoi on avait un bon feeling, il se passait un truc, et puis là, vous redevenez désagréable. Ah ouais. Il y a un bon feeling, mais pointe ta gueule, mon coco, on en causera, d'accord? C'est bah, clair? Oui, si vous voulez, on peut en causer, monsieur, moi, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci, parce qu'avoir une gueule de poisson chat comme toi au téléphone, on peut tous l'avoir. Et viens pointer ta gueule, d'accord? D'accord. Mais pourquoi vous aimez les chats? Connard, non, c'est ta gueule que j'aime pas, c'est clair? Bah d'or, ouais. Bah enfin, on s'est jamais vu, monsieur, comment on pouvait savoir ça? J'en ai rien à foutre, mal à ta gueule, je t'aime pas, c'est clair? Ah bah non, monsieur, enfin... Vas-y, dis-lui, toi. Yeah. Vas-y, dis-lui, c'est un bâtard, t'en fous, t'as ton cou. Yeah. Ça n'enculé de sa grand-mère. Ok, c'est bon. Oui, mais vous apprenez vraiment ça à votre enfant, monsieur? Bah oui. Ah d'accord, non, c'est tout ce que c'est, bah d'écouter. Je pense qu'on va se quitter, hein? Ouais, je pense, ouais. Hein, parce que vous avez une éducation un peu bizarre, quand même, hein? Ouais, puis je vais te donner un conseil, moi. Oui. Peut-être pas rappeler, ni sur le mien, ni sur celui de ma compagne. Un conseil que je te donne. Ah bon, pourquoi vous êtes... Ouais. Me tentez pas, monsieur, parce que c'est... après ça va me donner envie de rappeler. Comment? Non, je dis me tentez pas, après ça va me donner envie de rappeler. Ouais, bah, essaie-moi de rappeler. D'accord. Essaye. Bon. Bah, à tout de suite, monsieur. Ouais, bah, je te garantis, mon petit lapin, si jamais tu rappelles, ça va se passer. D'accord. Bah, à tout de suite, alors, monsieur. Et bah, va te faire enculer, bâtard, d'accord? Oui, mais à tout de suite. Bah, te faire enculer, je te dis, connard. Oui, je sais. C'est un connard. Oh putain, il dit ça à son petit. Mais qu'est-ce qu'il fout déjà debout encore à sortir? C'est la grande question. Il dit au petit quand même, c'est un enculé de sa grand-mère. Un enculé de sa grand-mère. Bon, on laisse un peu pisser là? Non, on me rappelle. Non, bah si, une seconde. Attends, laisse-le respirer un peu. Voilà. D'ailleurs, dans un instant, on va écouter Madame Pavoshko. On était peut-être tombé chez la famille Pavoshko. Ah oui, peut-être, ouais. Je pensais pas, hein. Bon, je vous le cale dans un instant, là. Black M avec Pavoshko, la Madame Pavoshko. Bah, je pense qu'on est prêt, là, pour rappeler, hein. Oui, oui, moi, je suis allez, prêt. Allez, hop, c'est parti, on y va. On remet le couvert. Je pense qu'il va être à point, là. Peut-être même trop cuit. C'est allô Madame Nord. Qu'est-ce qui se passe? Ah ben rien, votre mari m'avait demandé de le rappeler, alors du coup je rappelle. Vous allez me dire tout de suite qui vous êtes. Je m'appelle Toff, madame. Oui, bien sûr, bien sûr. Oui, bah et oui. Bien sûr. Bah. Et vous avez appelé d'autres personnes, non, que nous? Ah oui, bien sûr, oui, oui. J'appelle plein de gens, bien sûr. D'accord, et puis pourquoi? Pour faire chier le monde? Ben non, pour savoir s'il y a déjà eu tromperie. Vous avez que ça à foutre, quoi. Ah oui. D'accord. Et donc vous devez pas vous lever le matin pour aller au travail, hein. Ça doit pas être votre souci de... Ah non, de non, non, non, non, vous inquiétez pas, je vis des allocations, vous inquiétez pas. Oui. Je lui ai déjà dit, seule tromperie qu'il y a eu, connard, c'est d'enculer des connards comme ouais, toi. Ouais, ouais. D'accord. Vous devez bien vivre de l'assistanat de la France. Ah hein, oui, oui, mais complètement, madame, complètement. Tout à fait. Je ne vis que de ça. Je ne vis que de ça, les allocations. D'ailleurs, je vais faire mon cinquième enfant, là. Ah bah c'est très bien. Ah mouloud, connard, c'est très bien. C'est très bien. Eh bien, écoutez, bonne soirée, parce que nous, demain, le réveil, il sonne. D'accord, d'accord, hein. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, madame. Hein, voilà, hein, au revoir. Hein, et vive la France, et votez pas trop FN. Hein. Non, non, non, non. Non, non, t'es enculé, oh putain, il est chou quand même, Rez. Encore la dame là, bon à la limite. Mais l'autre derrière là, hey, enculé, colère, enculé ta grand-mère, enculé, enculé, colère. Je pense qu'il est bien réveillé là. Ah ouais, là, ouais, je pense qu'il est en forme, effectivement. Ouh, eh ben voilà, c'était rock'n'roll, pas mal, on fera d'autres appels tout à l'heure. Si vous avez d'autres numéros comme ça de gens sympathiques, n'hésitez pas évidemment, hein, sur le mail de Toff, toph@funradio.fr. C'est avec plaisir que nous les appellerons tout à l'heure. On va essayer de récupérer aussi eh ben, notre amie, comment elle s'appelle, Shaima aussi, là, ouais, pour voir un petit peu en direct de chez elle. Elle rappelle dès qu'elle arrive, très bien. Et en attendant, pour terminer sur la tromperie, puisque c'était justement le thème des appels de Toff, Laurent avec nous, d'Herbier en Vendée. Salut Laurent. Salut Mickaël. Ça va? Bonsoir à tous. Ça va, impeccable avec vous. Bon, oui, très bien. Ouais. Alors, wow, bienvenue Laurent, tu voulais donner ton avis toi aussi par rapport à la tromperie. Est-ce que t'as déjà trompé ta femme? Si oui, et c'était où? C'était quoi? C'était comment? C'est oui, ouais, j'ai trompé ma femme. Enfin, ma femme à l'époque, hein, parce que ça remonte quand même à quelques années. Ouais, j'ai depuis, t'as viré surtout, hein. Ouais, c'était un peu ça, c'était un peu ça. Mais bon, j'ai trompé ma femme avec une collègue de travail. Et franchement, au niveau professionnel, ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il y a facilement 90%. À l'époque, j'étais chauffeur livreur et j'ai posé uniquement mes papiers en revenant de tournée sur un comptoir où je voyais des filles qui étaient derrière une vitrine. Quoi, c'était dans une grosse boîte qui livrait du surgelé. Ouais. Avoir une fille régulièrement, il y a eu quelque chose qui s'est créé entre nous deux, et puis ça s'est fait comme ça, quoi. Voilà, elle était casée avec un gars qui travaille dans la même boîte, donc suite à ça, bien sûr, j'étais viré, ça s'est su, je suis resté quand même 5 ans avec. Ah oui, quand même. Ouais, 5 ans avec, ouais. Mais ça 5 ans, 5 ans où elle trompait son mec dans la même boîte? Non, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Elle l'a trompé, ça s'est su au bout de 2-3 mois, ça s'est su assez vite. Je me permets, et une question très importante pour la suite de l'histoire, est-ce que vous mangiez les surgelés de votre usine là ou pas? c'était pas dans les locaux. Par contre, en parlant de locaux, il y a 3 ans, j'ai travaillé pour une boîte qui est bien en Vendée, où je suis, quoi, hein, qui fait des plats cuisinés et autres. Et je montais des cloisons réfrigérées, donc il y a des cloisons pour créer des frigos, quoi, en fait. Ouais. Et dans cet endroit-là, dans une grosse usine, il y avait énormément de gens qui travaillaient. Ben, un responsable vient nous voir, il nous demande de faire une ouverture sur un petit bureau qui était entièrement fermé parce qu'ils en avaient marre de retrouver des préservatifs le soir. Voilà. Ah ouais, c'est bon ça. Et c'était une usine alimentaire, je dis bien. Hein. Ah, grande classe. Bon, oui, mais t'es des capotes, tu me diras. C'est, voyons le côté positif, ben, hein. Ils se protégeaient. Pour parler de boulot, hein. Ah bah oui, ils en mettaient des capotes parce qu'ils en trouvaient pas mal quand même. Moi j'y croyais pas, j'avais vu une fois, j'ai dit laisse tomber. Hein. Ah ouais, putain, donc ça nique apparemment dans l'Oreca. Eh bah écoute, je vais changer de métier. Oui, je pense. Le surgelé plat préparé. Je vais immédiatement me remettre dans le surgelé. Chez Cochonou. Oui, mais bon, quand on voit la gueule des clients, des fois, il vaut mieux rester où on est. Hein. Oui, oui, là-bas, ça c'est sûr, hein, ça c'est sûr. Attends, il y a Kenzo aussi qui est avec nous de Brest, là. Salut Kenzo. Salut. Tu commences à un costume sur mesure. Allô. Ça va Kenzo? Ouais, ça va, super, impeccable. Bon, bah, bienvenue à toi Kenzo, tu voulais donner ton avis toi aussi par rapport à la tromperie? Ouais, bah ouais, en fait, bah, j'ai trompé ma copine dans le boulot, toujours pareil, je suis cuisinier. Ouais. Et puis en fait, bah, on reste très dans la cuisine, ouais. Très dans la bouffe, hein, très dans l'alimentaire. C'est ça, c'est dans la bouffe, j'aurais dû bosser, pas dans la ouais, radio. Ouais, en fait, avec la maître d'hôtel, je suis sorti avec la maître d'hôtel, en fait. Avec le maître d'hôtel, c'est un mec? Non, avec la maître d'hôtel. Ah, d'accord, ok. Lui a mis tout l'hôtel. Hein. Oui, ça, c'est sûr. Hey, j'ai une question. Est-ce que des fois dans la cuisine, il y a le poulet là qui est à peine qui est décortiqué? Est-ce que tu couches avec le poulet ou pas? Quoi, avec quoi? Avec le poulet. Non. D'accord, ça va. Ok, encore. C'est tout. J'ai des questions parfois. Bon, encore heureux, tu me diras. Hein. Très bien. Ouais, donc t'as trompé ta copine avec la maître d'hôtel? Ouais, voilà, avec la maître d'hôtel. Ta et copine l'a su ou pas? Bah ouais, ça s'est su après, ouais. Et alors? Ça s'est su, c'est... Là, je suis toujours avec, mais c'est vrai que c'est un peu chaud, quoi. T'es toujours avec la maître d'hôtel? Non, j'ai plus de nouvelles de la maître d'hôtel, mais c'est vrai que bon, maintenant, elle a plus confiance en moi, rien du tout, quoi. Ah bah oui, forcément, ça, il y a un moment... Et comme toutes les femmes, elles te le rappellent à chaque fois. Ah oui, c'est normal en même temps. Voilà. Bah, raison, c'est pas cher payé, hein. Évidemment, c'est clair, c'est que ça. Mais merci Laurent et Kenzo d'avoir appelé, en tout cas. Bah, y a pas de rien, Michael. Bon, bah, vous revenez quand vous voulez. Hein. Et puis, restez les mêmes, en fait. Merci beaucoup, Laurent. Salut, Laurent. Salut, Kenzo. Et puis, on va se faire le karaopé aussi tout à l'heure, là, si vous voulez jouer avec nous. Bah oui, un grand jeu. Très très grand jeu. Si vous voulez jouer avec nous, on cherche deux équipes, deux filles, deux garçons pour jouer ensemble, enfin pour s'affronter plutôt. Si vous voulez repartir avec des cadeaux, eh ben le caropé c'est très simple, hein, tout est dans le nom, je n'en dis pas plus. On joue d'ici quelques minutes. Voilà, vous nous appelez donc 01 42 48 5000 02 851 4x0 depuis la Belgique. Il y a Chloé aussi sur le Facebook qui dit: "Oh my god, vous avez appelé chez mon ami." Ah bon, bah écoute, ils sont sympas tes c'est tes sympa amis, la hein. famille. Ah ouais, plutôt cool. Allez, restez sur Fun, on s'écoute Black M maintenant, je vous en parle depuis tout à l'heure là. C'est Madame Pavoshko maintenant sur Fun Radio. Bonne nuit tout le monde. Yeah. Hello. Hello. You. Voilà Black M sur Fun avec Madame Pavoshko. Toutes les nuits. Au lieu de compter les moutons pour vous endormir, venez compter les têtes de con. Ah oui, carrément. Vous allez kiffer vivre avec nous. Aha. De 23h à 2h sur Fun Radio. Et il est 1h05 sur Fun Radio avec la fréterie Alba qui disait: "Mickaël, moi c'est Fabrizio, j'aimerais savoir mon nom en finlandais." Oui, alors c'est Tuko Yetiko. Tuko, c'est semaille ou travaux des champs de printemps. Ça va. Et alors Yetiko, c'est l'étendue sablonneuse. Voilà. Envoyez-nous vos prénoms hein, si vous voulez connaître la signification en finlandais, votre surnom finlandais. Valou qui dit aussi: "Bonsoir Mickaël, comment va ton dos? Mon prénom, moi c'est Valérie." Bah écoute, ça va Valérie, ça va de mieux en mieux dans l'absolu, ça fait encore mal, mais bon, ça va. Et alors Valérie, toi c'est Kuka Samalkorpi. Kuka, c'est une fleur. Et Samalkorpi, c'est un coin de nature moussue. Ah. C'est marrant parce que le finlandais, on dirait de l'asiatique. Ouais, il y a un peu... C'est bizarre, hein. Il y a quoi? Il y a Jérémy Titi qui dit: "Moi, mon prénom, c'est Jérémy pour la traduction." Alors, attends, Jérémy, on va faire ça tout de suite. Jérémy, pour la traduction, tu es donc un homme. Je tape Jérémy, ce qui nous donne... Kaleva Puro. Voilà, Kaleva, dans la mythologie, c'est le nom du géant, et Puro, c'est un torrent. Voilà. Comme ça, moi, tu as ta petite traduction. Il y a Alexis qui voulait aussi sa traduction. Alors, attends, on va te le faire, Alexis, là, pour voir un petit peu ce que ça donne chez toi. Alors, évidemment, j'aurai pas le temps de tous les faire, mais je vous mettrai le lien si vous voulez le faire vous-même. Viljo Manisto. Viljo, c'est le nom désignant un être d'excellence. Oh là là. Et Manisto, c'est Pined. Voilà, donc, excellent. C'est bien, c'est pas mal aussi, ça. Et alors, le Bosniakov aussi, moi, qui voulait connaître le prénom, moi, c'est Kenan. Et Kenan, ça veut dire Sepo Allah. Donc, Sepo, nom désignant le forgeron. Et alors Allah, c'est du gel. Ah bah oui, c'est forgeron dans le gel. C'est bien, c'est original, pourquoi pas. C'est pourquoi pas, voilà. On aura Damien aussi dans quelques minutes. Salut Damien, comment tu vas? Ça va et vous? Oui, ça va, ouais. Tranquille, putain, je me suis tapé le micro dans la dent. Ah, ça doit faire mal. Oh, putain, ça fait mal. Ça fait mal, ouais. Ça ou le casque qui rebondit dans ta tête. Ouais, exactement, ouais. Pouh. Bon, allez, on passe à autre chose. De quoi on va parler dans quelques minutes avec toi, Damien, dis-moi? Bah, des conseils pour savoir si ma copine est prête à faire l'amour. D'accord, ok, très bien. Écoute, si tu veux, hein, t'as déjà consommé toi ou pas? Bah oui. D'accord, et elle? Non, visiblement. Non. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, on va en parler dans quelques minutes, hein, les filles, si vous voulez donner votre avis à ce niveau-là, n'hésitez pas. 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique, vous nous appelez et on en parle dans quelques minutes. Bah justement avec toi, Damien, tu restes avec nous. En attendant, on va se faire évidemment le karaopé ce soir. Ah. Eh oui. Karaopé avec Guillaume et Kevin du côté garçon. Salut Guillaume, salut Kevin, comment ça va? Nickel. En forme? Très bien. Super. Guillaume est avec nous et Guillaume 20 ans, Kevin 17 ans. Et de l'autre côté, il y a Kesha de Paris. Salut Kesha. Salut Mickaël. Comment ça va? Salut. Ça va et toi? Très bien. Et tu vas jouer donc avec Jade qui est ici. Alors on va te rappeler Kesha parce qu'il y a un sale écho là. T'as le kit main libre ou le haut-parleur ou pas? Non. Non, alors attends, on va te rappeler, Kesha, on va te rappeler hors antenne, la bouge pas. Et donc, Jade qui va jouer aussi au karaopé, magnifique jeu, grand jeu, extraordinaire. Elle adore le paix. Voilà. Donc, Jade qui est ici avec nous, Jade qui nous avait appelé hier parce que. C'était quoi le sujet encore? C'était une histoire de sodomie et de. Oui, non, c'était pas ça là-bas. Non. Non, c'est parce qu'elle s'était fait démonter par une grosse bite. Ah oui, c'est ça, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Exactement aussi. Et donc, du coup, voilà. Donc, Jade avait appelé, elle avait réagi, puis finalement, elle était passée dans les studios, et puis elle est revenue ce soir, voilà, pour nous, à la base, nous dire comment s'est passée sa petite nuit avec le god offert par. passagedudésir.fr. Mais malheureusement, on n'a pas testé. Non. Bon, Kesha, t'es avec nous? Ouais. Très bien, le son a l'air d'aller un petit peu mieux, mais vraiment vite fait. Hein. Oh putain. Kesha, t'es sûr que t'as pas le kit manibre ou le haut-parleur? Ou un pacemaker? Non, ou un truc électrique sur toi? Il y a une espèce de sale écho chiant, ça va être relou. Bon, bah tant pis, on fera avec, c'est pas grave. Non, on est au top là. Bon, attends, Kesha, je te raccroche au nez, je te rappelle, on va te rappeler sur l'autre ligne. Okay. Bon, bouge pas, hop là, voilà, c'est ça. On va essayer d'appeler sur une autre ligne là. Attends, on va appeler sur une autre ligne. Voilà, on va appeler sur une autre ligne. Je pense qu'on va le faire comme ça, ce sera mieux. On va le faire. On va le faire. Je voulais le faire moi, mais je peux pas, donc on va le faire maintenant. Bon, 1h09. Le principe du jeu est très simple. On va donc vous balancer quelques extraits de musique. Le but, arriver à découvrir quel est le nom. Le titre du groupe ou le nom du chanteur ou même qu'est-ce qu'on peut dire, au nom de la chanteuse également, ouais. Voire éventuellement pourquoi pas le titre de la chanson. Voilà. Mais là il faudrait être très fort. Mais il faut évidemment être très très fort, surtout ce soir. Complètement. Bon, pour ça donc on va jouer avec Kevin et Guillaume. Là vous êtes dans l'équipe des garçons, Kevin et Guillaume, et puis Kesha, si on arrive à la récupérer, sera dans l'équipe des filles avec Jade. Jade, t'as compris le principe? Oui. Très bien. Et donc tu t'entends bien, tu le dis, hein. Non, non, pas. T'es nouveau en train de parler loin du micro. Mais oui, parce qu'elle mais comprend non, je suis pas. Prêt. Oui, maintenant oui, mais tout de suite t'es en train de parler au-dessus. Quand mais tu oui, parles au-dessus, devant. Regarde, t'entends moins bien. C'est voilà. Bon, là il faut pas. Oui, là il ça fort. Va mieux. Là c'est bien, là, très bien. Bon, on va donc passer un extrait exemple. Car je donne un exemple. Si. Alors ça c'est l'exemple de la semaine dernière par exemple. Ah oui. Voilà. Call my number. T'aurais dit quoi Guillaume? Non, je me suis planté. C'est les Spice Girls, non? Ah bah oui. Voilà, donc c'était ça. Donc le principe, vous l'avez compris, on vous passe des extraits de musique version paix. À vous de découvrir la version originale. Bon, Kevin et Guillaume, c'est parti. Est-ce qu'on va récupérer Kesha un jour ou ça marche pas avec Kesha là? Parce qu'il y avait toujours de l'écho, mais quitte à rien à voir, autant prendre Kesha en mode écho. Hein, à la limite, c'est pas très grave. On va la récupérer. Et Kesha, t'es là? Oui. Ça a l'air d'aller. Ça a l'air d'aller. Bon, parfait. Tu vas jouer avec Jade ici présente, ok? Ok. Ah bah, il y a toujours les courbes. Écoute, on fera avec. C'est pas grave, ça va être une horreur. Bon courage à tout le monde. Allez, c'est parti. Premier extrait. On y va, c'est parti. Go. Et attention. Attention, il faut impérativement. Attends. Kesha, t'as la radio? Non. T'as pas la radio, t'as pas le kit manip, t'as pas le haut-parleur? Non, mais juste un téléphone pourri. Ah putain, t'as un téléphone en bois alors. Bon, le principe est simple. Donc, je vous passe un extrait de musique. Et il faut impérativement donner son prénom avant de donner la réponse. D'accord. Okay. C'est quoi? Si jamais. Putain, Jade, là, on passe. Elle est dans le studio et elle arrive encore à ne pas comprendre. C'est sa copine qui lui explique. Ça, c'est quand même fort. Donc, je répète, puisque visiblement, ça n'a pas l'air d'être très clair. Il faut impérativement donner son prénom avant de donner la réponse. D'accord. Si jamais vous donnez d'abord la réponse, eh ben, je validerai pas le truc. Et si l'équipe d'en face, du coup, comme la réponse a été donnée, donne son prénom à la réponse, c'est l'équipe d'en face qui prend le point. D'accord? Ok. Ça va. Allez, on y va, c'est parti. Kesha, écoute bien. Premier extrait. En facile. Kevin. C'est moi Lolita, là, Alizée. Oui. C'est long, c'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue, je vois les signes. Hello, Elite. Oh, les yeux. Bon, bref, Alizé, donc effectivement, one point pour les garçons. On y va, deuxième extrait, vous êtes prêts? Il est bon, ouais, hein, putain. Allez. Et on est en mode son de merde. Hein, j'ai oublié d'annoncer la thématique. On est en mode son de merde. C'est parti, extrait suivant. Attends, excusez-moi, on fait un peu de place. Kevin. Papillon de lumière. Non, non, mais t'es pas sérieux. Oh, il est énorme. Bien joué. Pardon, putain. Ouais, mais attends. C'est mes oreilles, en fait. C'est mes oreilles. Ah, c'est mes oreilles. Ah ouais. Et oui, c'est grandes oreilles. Et oui. Non, Shazam. Attends, mais Shazam avec le pet, tu vas voir. Shazam, n'importe quoi. Shazam avec le pet. Alors, deux. Two points pour les garçons. Peut-être avec Shazam, mais avec Shazam pas. À niveau son de merde, vous êtes bons. Ah bah là, on était pas mal là ce soir. Bon, alors, troisième extrait. Deux points pour les garçons. Attention, on y va, les filles, quand vous voulez. Les filles, vous pouvez jouer, hein. Kesha, tout ça, là, vous pouvez y aller. Ouais, mais tu me descends, j'étais même pas née. Non, arrête. C'est faux. Ça date de 2000, tu étais née. Écoute. La concurrente d'Alizé. J'avoue que celui-là est hyper chaud. Jade. Laurie a 20 ans. Ouais. Bon, c'est pas le bon titre, mais c'est le bon, c'est la chanteuse. C'est Je serai ta meilleure amie. Oh non, ils ont trouvé, c'est vous. Ta meilleure amie. Quelle horreur. Heureusement, cette époque est loin derrière. Bon, Kesha, one point pour les filles et deux points pour les garçons. Attention, extrait suivant. On y va les filles, c'est parti. Let's go. Je peux vous donner un indice. Donc vous savez que je me suis pété la gueule et je me suis pété le dos la semaine dernière. Pour le même prix, j'aurais pu me le casser, cet os-là. Oh putain. Guillaume, pour la remettre. Guillaume. Coxy. Ben oui. Oh, c'était mauvais titre quand même. Oh là là. Bon, la blague était pas mieux. Qui perdent leur cédille. Putain. Dididoum et dididam, hein, quand même beaucoup d'imagination. Hein. Bon, alors 3 points pour les garçons, 1 point pour les filles seulement. Attention, c'est le méga banco. Le méga banco, celui-là vaut 100 points. Ouais. Tu vas nous faire comme la dernière fois là, 100 points, 1000 points, 1000 points. Oh, il va se calmer sinon je te vire. Bon, on y va, vous êtes prêts? Tout va aller. 100 points il vaut celui-là. Ah, il y a la copine de Jade qui trouve là, mais. Je vous le remets. Attention, ça vaut 100 points. Jade, je vous le remets. Jade. Tragédie. Mais non. Est-ce que tu me sens? Eh oh, touche-moi, je suis là. Eh oh, oh. Elle connaît ça. Effectivement, pas mal. Bon, attention, j'en improvise un autre. Il y a l'over méga banco. Celui-là vaut 1000 points pour l'instant. Il y a 101 points pour les filles et seulement 3 pour les garçons. 3 points, c'est pas terrible. Bon, vous êtes prêts? Allez. Ouais. Alors, attends, faut que j'en cherche un sympa là. Attends. Oui, il faut que je cherche un truc bien aussi. Alors, oui, oui, je pense que j'ai trouvé. Attention, c'est parti, je veux le nom du chanteur. Mais oui, mais c'est pas un chanteur. Ah. C'est le méga overbanco, quoi. Kevin. Gigi Lionel. Oui. Yeah. T'as regardé sur internet? Ouais, il a regardé sur internet. Et font coin-coin. Comme les petits canards, et pour que tout le monde se marre, remuer du popotin. Allez, et font coin-coin. À présent, claquer du bec, en secouant vos plumes avec beaucoup plus d'entrain. Et toi, il lève les bras, il fait le coin-coin. Bah, bien sûr. Il a raison. Maintenant, pliez les genoux. Allez, plie les genoux. Attention, on tourne, c'est parti. Allez, on y va. Allez! Prenez votre compagne et vous lui mettez un doigt. Ça, il faut reconnaître qu'Echa était pas né. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bon, alors, 1003 points pour les garçons contre seulement 101 pour les filles. Allez, le Final Banco. Le Mega Banco. Voilà, 1 million de points. Ah, il est lourd celui-là. Mais jusqu'où ira-t-il? 1 million, motherfucker. On y va, vous êtes prêts? Oui. Allez, attention, on y va. Attends, il faut que je cherche. Ah oui, parfait. C'est l'artiste? Là, c'est comme vous voulez. Okay. Attention. Alors, j'ai dit qu'on restait dans une chanson de merde. Hein. Okay. Désolé. Ah, ça me dit quelque chose, ça. Ah oui, bah oui. Ça me dit rien. Attends. C'est le 1 million banco. Attends. Je le remets. C'est écoutez le début bien, en fait, c'est au début, début, ouais. C'est surtout au début, écoute. Kevin. Non, aux Champs-Élysées, non? Non, non. Bah, pas du tout. Qu'est-ce qu'il raconte, là? Tiens, qu'est-ce que tu mérites, hein? N'importe quoi. Bon, je le remets, écoutez bien le début. Kevin. Non. Kevin. Alors Kevin quoi? Non. Kinv, c'est pas ça non? Kinv! J'aimerais trop qu'elle m'aime, mademoiselle Valérie. Un million mille trois points. Mademoiselle Valérie. Eh ben bravo. Eh les garçons gagnent pour une fois. Hein. Ouais, c'est rare. Hein. Ouais, c'est normal. Bravo. Non, c'est pas ouais, bravo. Bon, malheureusement, Kesha t'avait Jade dans ton équipe, hein, c'est ce qui t'a perdu. Hein. Ouais. Elle n'a pas parlé. Ouais. Bah ouais, mais qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bon, bah écoute, tant pis, Kesha, tu rejoues avec nous quand tu veux, avec un autre téléphone. Ok. Je te fais des gros bisous. Bisous. Salut, Kesha. Et Guillaume, t'as pas été très bon, hein. Bah, voilà. J'ai donné une réponse, hein. Après les autres. Bah après les autres, c'est Kevin qui a fait tout le boulot. Hein. Ah, heureusement qu'il était là. Hein. Bah voilà, c'est ça. Ah, hein. J'avoue, il a été très très bon. Ah ouais, là ouais, pour le coup. Ouais. Bon bah vous allez retourner au standard en tout cas. Bravo Kevin, salut Guillaume. Merci Michael. A bientôt. Ciao à vous. Ouais, Kevin. Est-ce que tu peux passer le va te faire enculer gros bâtard? Encore? Tu vas me le demander à chaque fois que tu passes. J'adore. Ah oui, bah attends. Va te faire enculer gros bâtard. Voilà. Nickel, merci. Eh bah voilà, je t'en prie, avec plaisir. Salut Kevin. Ciao, à bientôt. On aura Marvin dans un instant, on aura Damien. On essaye de récupérer Shaima, mais malheureusement, elle devait aller chez son mec là pour le virer en direct. Et puis bon, on essaye, voilà. Donc Shaima, si tu nous écoutes, n'hésite pas, bien entendu, à donner des nouvelles. Nous sommes très inquiets. Nous sommes très inquiets et puis surtout, on est un peu voyeurs, donc on aimerait bien voir un petit peu ce qui se passe. 1h21 sur Fun. D'autres appels avec Tov dans quelques minutes. Et puis au cœur de la nuit sans pub, Global DJs, We Are the Night. C'est maintenant sur Fun Radio. We are the nights that are wasted and lost. 23h, 2h. Mickaël No Limit sur Fun Radio. Fun Radio. Ouais, et on écoutera tout à l'heure le son de Mr. Probs. Également avec Waves. On va chiller pendant que Toff ira. Chier. Bien entendu. 1h25, on aura Polo contre le reste du monde qui va débarquer dans quelques minutes également. Bien entendu également. Et puis nous avons Marvin qui voulait avoir la traduction en finnois de son prénom. T'es là, Marvin? Ouais, je suis là. Ça va, t'es en forme? Ça va, en forme. Bon, très bien. Alors, Marvin, tu es tombé sur un site qui te traduisait ton prénom en prénom chinois. Oh, en prénom chinois. En prénom finnois, voilà, c'est ça. Et donc, toi, alors, Marvin, c'est Viljo Samalkorpi. Viljo, qui est le nom désignant un être d'excellence. Et Samalkorpi, c'est le coin de nature moussue. Voilà. J'espère que tu es content. D'accord. Hein, tu n'as pas entendu tout ce temps pour rien, ça qui est bien. J'espère que tu as bien retenu ton prénom, hein. Viljo Samalkorpi. Viljo Samalkorpi, d'accord. Voilà, donc tu peux dorénavant t'appeler comme ça sur internet et un peu partout. Sur d'ailleurs. Facebook, je mets son nom, Viljo. Et voilà, sur Facebook tu peux faire pareil, exactement, Marvin. Je vais m'amuser. Bah voilà, tu peux, ouais, n'hésite pas. De toute façon, je vais mettre le lien du traducteur, hein, comme ça vous allez pouvoir vous amuser si j'ai pas, parce que j'ai évidemment pas eu le temps de faire ça pour tout le monde. Bon, bah salut Marvin. Bon, bah merci Mika. Bah avec plaisir, hein, tu reviens quand tu veux. Salut, à bientôt. Ciao Marvin. Ciao, bah oui, j'y compte bien. Damien avec nous là, t'es là Damien? Ouais. Avant de faire les appels avec Tov, Damien qui nous avait appelé parce que ben en gros tu voulais savoir comment demander à ta copine de coucher avec toi, c'est ça? Voilà, c'est sachant ça. Sachant que toi tu as déjà tenté l'affaire, mais pas encore elle. Voilà. C'est ça. Bon, écoute, bah en même temps, comment ça se passe? Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Ça fait 2 mois et 2 semaines. D'accord. Et vous en êtes où dans les préliminaires, tout ça? Bah non, pas encore, mais... Ah oui, mais il faut commencer par faut y aller doucement. Oui, commence par les préliminaires avant d'y aller plus loin, là. Surtout qu'elle l'a jamais fait. Déjà, en même temps, tu dois même pas lui demander, hein. Faut que ça vienne tout seul. Mais c'est-à-dire oui. que tu verras bien quand est-ce qu'elle aura envie, mais il faut surtout pas lui demander, parce que si tu lui demandes, elle va se sentir obligée de le faire, même si elle a pas envie. Et donc, pas lui demander, mais lui faire comprendre, ça. Tranquille. J'ai envie de baiser, quoi. Bah, pour lui faire comprendre, tu commences par un doigt. Lui faire comprendre puis que j'ai envie de baiser. Il y a deux choses à éviter, le fist et la sodomie pour le début, et après, tu peux échelonner sur 2-3 années, ça. Voilà, c'est ça, tu fais une hypothèque. Voilà, mais laisse-la tranquille, laisse-la vivre sa vie, quand elle aura envie, t'inquiète pas. Elle va te sauter dessus, elle va te bouffer la bite et puis rouler. Non, mais après, ça vous empêche pas de démarrer petit à petit, par les préliminaires, etc. Ah oui. Tu vois, quand elle dort, tu lui mets la bite sous le nez pour qu'elle comprenne bien. Mais qu'est-ce qu'il est con, celui-là. Allez, une minute au coin. Allez, c'est un chien. Dégage, c'est honteux ce que tu dis. Sérieux, là. Salaud, va. Voilà. Ordure. Voilà, c'est parti. Chien. Il est parti. Je te remercie, hein, parce que ces conseils, j'aurais pas. T'as vu bon. Un peu? Oh bah oui, mais bon, ouais. Écoute, c'est un con, je te dis. Bon, bref, tout ça pour dire que il y a pas à lui demander, en fait. Voilà, c'est tu peux lui dire, tu peux lui demander, l'ami, tiens, t'as pas des envies, vous pouvez en parler si vous voulez, mais faut pas lui mettre la pression. Ouais. Bah oui. Pareil pour les filles, hein, s'il y a un mec à un moment ou un autre qui vous dit ouais machin, mais si on couche pas ensemble, je te vire, bah laissez-le partir, hein, c'est un trou du cul. Donc non, voilà, faut pas céder au chantage. Ah ouais, mais c'est juste pour savoir si elle est prête, si elle est pas. Oui, non, mais je dis pas que. Tu veux pas le faire, voilà. Non, mais bien sûr, non, mais je dis pas que toi tu es comme ça, je dis qu'il y a beaucoup de mecs qui sont comme ça et qu'il y a beaucoup de filles qui tombent dans le panneau parce qu'elles sont persuadées qu'en fait, pour prouver qu'elles sont amoureuses, il faut qu'elles le fassent. Non, bah vous le ferez quand vous serez prête. Et puis voilà, pareil pour les mecs, hein, y a des mecs qui sont pas prêts, hein, et qui sont presque violés par des filles. Alors c'est vrai que c'est beaucoup plus rare. Ça, Tof, c'est ça, sur le cauchemar de sa vie. Ah, attends, parce qu'il y a Jade et sa copine qui voulaient dire un truc là, les filles, qu'est-ce qui se passe? Ah, Tof peut revenir comme par hasard. Non, mais Jade, je voulais dire que c'est vrai, t'avais raison, moi j'ai jamais été prêt, d'ailleurs c'est pour ça que je suis toujours vierge, quoi. Oui, oui, bah, bien sûr, c'est ça. Qu'est-ce que vous vouliez dire par rapport à ce que je viens de dire Répète la question. Non, mais t'es pas sérieux, vous étiez toutes les deux en train de me faire des gestes, genre j'ai un truc à dire et maintenant tu sais plus ce que je racontais. Ah oui, elles disent oui, elles sont contentes. Comme quoi, on vient de démontrer, hein, donc, que les meufs peuvent rester concentrées, mais très peu de temps, et que sur une chose, hein, Twitter, en l'occurrence. Ouais. Mais sérieusement, laisse-la tranquille. Voilà, quand elle sera prête, elle te le dira. Quoi, elle a quel âge, ta copine? Elle a 15 ans. 15 ans. Bah, c'est normal. Retire tout ce que j'ai dit, c'est Christophe, là. En face de moi, je peux donner tout son adresse et tout, c'est lui qui l'a merde. Voilà, c'est un enculé, ouais. Exactement, c'est un gros connard. Non, elle va prendre peur, là, elle va faire un truc sérieux. Non, mais oui, mais évidemment. Sinon, toi, ça te dérange pas de boire ma bouteille d'eau? C'est pas ta bouteille d'eau, c'est la mienne. Ah bon? Tu bois cette marque maintenant? Bah, je prends celle qu'il y a à l'épicerie du coin. Ah, à l'épicerie du coin, ouais, c'est ça. Si je vais dans le bureau et qu'il n'y a plus ma bouteille d'eau. Mais non, c'est la sienne, il est venu avec. Il a acheté des bananes et tout, ouais. D'accord, ok, très bien, parfait. Non, parce que soi-disant, il aime pas cette marque-là. Mais je n'aime pas. Mais il la boit quand même. Mais j'ai pas le choix, il y a avec celle-là. Oh là là, enfin bon bref. Bon écoute, c'est Damien, tout ça pour dire que si jamais t'as envie, je peux comprendre, mais il va falloir encore la garder sous le bras. Hein. Bah ouais. Ah ouais, ça c'est clair. Bah, les filles, appelez-nous, hein, si vous avez des conseils éventuellement à donner là. Vous nous appelez maintenant, 01 42 48 5000, 02 851 4x0 depuis la Belgique, et puis on peut en parler. Reste toujours avec nous Damien, on va voir s'il y a des filles qui ont des conseils à te donner, d'accord? Oui, tiens, pas de problème. Allez, bouge pas. En attendant, il y a le chéri, je peux te faire cocu aussi qu'on va faire. Et puis on a les derniers appels avec Tof, là, derniers appels de soir là. Eh oui, on y va. Je rappelle que le thème de soir est donc la tromperie, puisqu'on s'est rendu compte que quand vous trompiez votre copain ou votre copine, c'était très souvent au travail. Oui. Voilà. Même principe, enfin il y a quasiment que là. Oui, il y a quasiment que là, effectivement. Donc on appelle maintenant, c'est parti. On appelle afin de vérifier le sondage avec les derniers chanceux de ce soir. qui ont été tirés au sort. Bravo à eux. Et je suis sûr qu'ils ne se rendront pas compte de la chance qu'ils ont. Allô ? Oui, bonsoir monsieur. Oui, c'est qui ? Oui, je m'appelle Toff. Connais pas. Non, mais je vous appelais pour savoir si vous aviez déjà trompé votre femme avec une collègue. C'est quoi votre connerie ? Bah, c'est pas une connerie, monsieur, c'est une question. Ouais, bah vous êtes qui vous ? Bah moi je m'appelle Toff, monsieur. Ah mais Toff de quoi ? Toff de mon cul, là. Ça vous amuse, hein ? Non, c'est Toff de chez moi, monsieur. Mais c'est qui, ça ? Bah c'est moi, monsieur. Oui, allez, c'est bien. Bah oui, mais... Ça coûte de ta journée, là. Bah oui. Pas les couilles, toi. Non, d'accord, mais répondez à ma question, alors, monsieur. Mais j'en ai rien à foutre de ta question, on va faire chier quelqu'un d'autre. Ah bah c'est pas gentil, ça, monsieur, enfin. Ouais, j'en ai rien à foutre, pauvre connard. Ah bah enfin, monsieur. Ouais, c'est un connard, je sais pas ce qu'il a, l'autre mange couille, là. Bon, enfin oui. Monsieur, un peu de calme. C'est bien beau de faire le malin au téléphone, amenez vos gueules un peu. Bah enfin monsieur... Je mange couille, allez, ta mais gueule. Non. Mais monsieur, un peu de calme s'il vous plaît. Donc tu es un mange couille. Oui, je suis un mange couille. Oui. Bon attends, on va le rappeler. Bah oui, je vais lui en manger une ou deux. J'espère surtout qu'il a une nouvelle expression à nous apprendre. Allez hop, on y retourne. Mais... Oui monsieur, c'est pas gentil enfin, moi je vous appelle juste. Mais vous avez rien à foutre toi, pauvre con, vous mais... faites pas chier. Mais je vous fais pas chier monsieur, je vous appelle pour vous poser une question. Mais j'en ai rien à foutre de ta question de merde, tu vas faire chier quelqu'un d'autre et tu me casses pas les couilles. Bah oui mais répondez à la question et puis j'arrête de vous embêter gueule, monsieur. Mais j'en ai rien à foutre, prends notre numéro. Ah bah non. Comment le numéro toi? Bah dans l'annuaire monsieur. Ouais dans l'annuaire, un portable, t'es balèze. Bah oui, maintenant les portables sont... T'es un peu con toi, oui allez ta gueule. Bah enfin monsieur, un peu de calme. Oui. Et pourquoi t'es en privé là? Tu fais partie de quoi là? Mais parce qu'en fait c'est le téléphone est cassé monsieur. Et du coup les numéros s'affichent plus. Ouais, foutez de ma gueule. Ah bah j'oserais pas monsieur. Ouais, c'est ah, sûr. Ah bah non, c'est pas mon genre monsieur. Je suis pas comme ouais, ça. Ouais, avec ta voix de con là. Oh non monsieur, vous pouvez pas dire ça. Ouais, c'est bien. Oh non monsieur. Bah tu me verras quand t'auras fini hein. Bah moi j'ai fini, je vous ai posé la question, j'espère ouais, juste... Ouais, bah c'est bien, ouais, je vais pas te répondre, me fais pas chier. Ah bah pourquoi monsieur? Casse pas les couilles. Ah bah non monsieur. Ouais, ta gueule. Oh non monsieur, c'est pas gentil ce que vous me dites. Ah bah nous il est reparti. Non il est reparti, attends, on va le rappeler encore un petit coup là. En même temps, je crois que l'excuse du téléphone cassé, c'est pas de ma faute, c'est comme ça. Il est pas cassé, il est juste configuré comme ça, mais on peut pas changer nous. On va le rappeler. Je crois que les gens ne le croient plus, quoi. Ouais. Oui, monsieur, c'est pas gentil. Oui, bah, tu veux savoir quoi, toi? Bah, je voulais savoir si vous aviez déjà trompé votre femme, monsieur. Non, j'ai pas de femme, là. Ah, vous avez pas de femme? Ouais, t'es content, c'est bon? Bah oui. Voilà. Mais quand vous aviez une femme, vous l'avez jamais trompée? Salut. Ah, bah voilà, je crois que c'est terminé, hein. Ouais, là, c'est... Ah, il ne voudra plus entendre parler de nous, à mon avis. C'est dommage. Terminé, moi, terminé, bien. Définitivement. Oui, moi je l'aimais bien aussi, mais bon, c'est comme ça. Bon, on va se faire le chéri, je peux te faire conclure dans quelques minutes à 1h33 du mat, là, sur Fun Radio. Et puis, il y a Florian qui dit, moi, je vous suis depuis très longtemps, je n'ai toujours pas eu de message de bienvenue. Gros bisous à toute l'équipe et à Sandro. Bah écoute, je vais t'embêter, tiens. J'ai déjà culé à ta face de pédé, de gay, comme ça, t'as pas de ride au pédé que tu es, t'as compris? Voilà, un corse très sympathique, hein. Adorable. Remarqué, très, très, très, très gentil. Camille avec un K qui dit, vous pouvez dire mon prénom Camille en finlandais. Oui, c'est Vilja Palace. Vilja, c'est un grain de blé. Et Palace, c'est le nom d'un célèbre mont de Laponie finlandaise. Voilà, j'espère que tu as bien avancé, Camille, avec un K. Hmm, oh, très bizarre. Oui, assez original, effectivement. Mmh. Bon, il y a des messages encore qui sont arrivés là. Moi, c'est Niki. J'ose pas vous appeler, j'ai peur, je veux devenir doux. Bah appelle-nous Niki, qu'est-ce que tu veux qu'il t'arrive? On va pas te manger, t'inquiète pas. On mettra une muselière à Toff, promis. Voilà, tu nous appelles 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et Drakit qui dit gros pédé que tu es, à force de l'entendre, je le dis souvent à mes potes. Il y en a un jour, il va se mettre une patate Drakit, tu vas voir, tu vas vraiment faire le malin à ce niveau-là, tu vas voir. Bon, et il y a Jordan dans un instant qui voulait réagir à Damien. Tout va bien, il y a Polo contre le reste du monde qui arrive. Et puis Mister Probs qu'on écoute maintenant sur Fun Radio, c'est Waves. Et attention, c'est l'heure de chiller pendant que Toff va chier. Bien entendu. Allez, c'est parti, il est 1h35, on est au cœur de la nuit sans pub. Et le chéri, je peux te faire cocu, va débarquer juste après. Bonne nuit avec Fun. C'est C'est Fun Radio avec le son de Mr. Probs à l'instant. Il y a Polo contre le reste du monde qui va arriver. Ouais. Si vous voulez, eh bien, appelez, participez à cette grande émission sans rien gagner. Au contraire, tout ce que vous allez gagner, eh bien, c'est de vous faire accrocher au nez. N'hésitez pas à nous appeler maintenant 01 42 48 5000 ou 02 851 4x0 depuis la Belgique. Et puis le chéri, je peux te faire cocu. C'est avec Marion qui va jouer maintenant. Salut Marion. Salut Mickaël. Comment tu vas? Ça va et toi? Bon écoute, ma foi plutôt pas mal. Bon alors du coup, Marion, toi on va faire un petit chéri, je peux te faire cocu. Ouais. Ça me paraît pas mal. On va appeler donc ton mec, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Ludovic. Ludovic, d'accord. Très bien, quel âge a Ludovic? Il a 27 ans. Ok, et il est plutôt du style à s'énerver rapidement? Ouais, ouais, il est très jaloux. Ah, tant mieux, j'adore. J'adore. Est-ce que t'as une petite anecdote sur sa jalousie? Qu'est-ce qui t'a fait comme scène depuis que t'es avec lui? La plus grosse. Quand on est sorti, parce qu'on sort souvent, il y a un de mes amis que j'avais pas vu depuis longtemps, il est venu me parler, me dire bonjour, et il était à deux doigts de le frapper, quoi. Ah oui, effectivement, il est un peu jaloux. Oui, c'est, oui, oui. Effectivement, je confirme, je pense qu'on va se marrer. T'es avec lui depuis combien de temps? Ça fait 4 mois. Et d'accord, ok, donc lui il a 27 ans, c'est ça. Où est-ce qu'on aurait pu s'être rencontré? Aujourd'hui, je suis allée faire les courses, donc à Leclerc d'Arras. D'accord, ok, très bien. J'ai vu aussi que t'as été dans un bar apparemment. Oui, la semaine dernière. D'accord, donc ce serait bien qu'on se soit rencontrés dans ce bar-là à la base et qu'on se soit revus par hasard au Leclerc, par exemple. Ouais, ouais. Ouais, ça me paraît un bon plan, ça, très bien. Donc toi, t'es à Arras. Le bar s'appelle comment? Au bar. Au bar, bon, très bien. Bah, alors on simple, facile, efficace. Voilà, on va donc tous au bar et ça, c'est parfait. Et c'est un bar, c'est une boîte, c'est un resto, c'est quoi? C'est un bar karaoké. Ok, très bien. Bar karaoké, parfait. Bon, toi, tu te prépares déjà à chanter? Bien hein sûr. Attends, tu peux la faire quand même, la chanson, là. Oui, Jérôme, c'est moi. Non, je n'ai pas changé, je suis toujours... Et après, je sais plus. Ah bah, celui attends. Qui t'a aimé. Attends, attends. Oui, Jérôme, c'est moi. Oui, je n'ai pas changé, je suis toujours le même obsédé. Et après, je sais plus. Qui t'embrassait te faisait pleurer. Ouais, c'était pas compliqué. Hein. Oh là là. Allez. Oui. Mais non, je sais pas. Tu crois que je connais. Tu crois que je connais. Arrête, genre, il écoute pas ça dans sa voiture. Dans son iPhone. Oh là là là là là là. Quel mytho celui-là. N'importe quoi. Alors, enfin bon. Bon, bah écoute. Alors, ce qu'on va dire pour bien énerver, c'est qu'on est chez moi. Et que, bah, comme on s'est rencontrés au bar, je suis un fan de karaoké. Et puis, au besoin, je chanterai derrière. Enfin bref, on verra. On va improviser. On verra bien. D'accord? Okay. Donc n'oublie pas, c'est Michel, moi donc hein, donc pas de drame hein, évidemment. Tu dis qu'on n'a pas encore couché ensemble, mais que tu l'appelles simplement pour lui demander l'autorisation, d'accord? Ok. Bon allez, c'est parti, on y va, on l'appelle maintenant. Il s'appelle Ludovic. Eh ben, je te souhaite bonne chance. On est chez moi, je risque de mal te parler, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas méchant. Hein. D'accord. Allez, c'est parti. Je pense que je vais bien m'amuser avec mes vieilles chansons. Parce que j'en ai trouvé aussi une belle là ici. Kiss me. Ouais. As you love me. Allô. Il est là, coucou chéri, c'est moi. Coucou chéri. Ouais, ça va, pourquoi tu m'appelles en inconnu? Ah, ça va. Ah, j'ai pas fait exprès, désolé. Dis, je voulais te parler d'un truc. Ouais, vas-y. En fait, tu vois, quand on est sorti au bar la semaine dernière. Ouais. Bah, quand t'étais parti fumer, il y a un mec qui est venu me parler, tout ça, très on a sympathisé. Très bel homme. Et en fait, ouais. Quand je suis allée faire les courses, ben, je l'ai revu par hasard, comme ça. Et il m'a proposé de boire un verre avec lui. Écoute-moi, on a été boire un verre, tout ça, j'ai dit que j'étais pas libre. Et en fait, ben, lui et moi, on se plaît physiquement. Et donc, il m'a proposé de coucher avec. Donc, je lui ai dit que j'étais pas libre. De ma gueule, là. Mais écoute-moi, je lui ai dit que j'étais pas libre. Et donc, du coup, je lui ai dit, je vais en parler à mon copain. Et s'il est d'accord, et ben, pourquoi pas. Ouais, je vais être d'accord. Je vais m'insérer dans la conversation. Hein. Je pénètre la conversation. Mais c'est que... ma gueule, bon, qu'est-ce qu'il non, dit mais c'est qu'un ami. Hein, qu'est-ce qu'il dit? C'est qui, là? Il est d'accord, c'est Michel, ou pas? C'est le mec que je t'ai parlé. De quoi? Parce que je suis chez lui, là, donc du coup, je voulais t'appeler. De quoi? Non, mais t'es en train de te foutre de ma gueule, là. Bon, c'est une blague. Bon, qu'est-ce qu'il dit? Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il n'est pas d'accord. Oh, mais si, je suis sûr qu'il faut que t'insistes un peu. De quoi? Bah il veut vraiment qu'on couche ensemble, tu vois, c'est ouais, juste pour bah le ouais, fun. Ouais, mais dans ta gueule, il va l'avoir, ouais. Bah qu'est-ce qu'il dit? Il est d'accord ou pas? Mais ferme ta bouche. Non, il est pas d'accord, Michel, mais c'est juste pour le fun, sérieux. Mais oui, mais c'est ça, c'est que pour le fun. Ouais, bah ma main dans ta gueule, ça va être pour le fun aussi, tu vas voir. Non, hein. Bah, qu'est-ce qu'il dit? Ça sert à rien de t'énerver, c'est juste comme c'est ça. C'est où, là? Non mais qu'est-ce qu'il dit? C'est avec lui, là. Non mais qu'est-ce qu'il dit? Oui, c'est avec lui, je suis chez lui, là. Hé hey. Attends, Blaireau. Je suis en train de négocier. Oui, bah enfin, bah, négocie, bah, on va pas attendre la nuit, là, quand même, là. C'est quoi, ça, votre pingouin, lui, là? Qu'est-ce qu'il dit? Attends, passe-le-moi, bah, va me chercher à boire un petit verre. Et prends-moi un petit verre aussi dans la cuisine, ma chérie, tu seras gentil. D'accord, ce sera fait. Ouais, maman, dans ta gueule, tu vas l'avoir dans 2 minutes. Allô? Allô? Ouais. Salut? Ouais, quoi, qu'est-ce que tu fais, toi, foufou? Moi, c'est Michel, et toi? Moi, c'est Ludo, mais je t'emmerde, moi. Salut, Ludo. Je suis avec ma copine. Bah non mais moi je fais rien, on a encore rien fait. Bah. Ouais, c'est rien, déjà qu'est-ce que tu vas accoster ma meuf en mais non mais c'est pas ce qu'on est, bah moi je suis on s'est rencontré au bar la semaine dernière là. Ouais. Et du coup bah moi tu sais moi je passe mes soirées là-bas avec le karaoké et tout, on se marre bien avec les potes. Et ouais. Ouais, puis là on s'est revu, je l'ai revu, on avait un peu discuté là. Et puis je l'ai revu là chez Leclerc. Et puis bah puis voilà, je lui ai proposé d'aller boire un verre, elle m'a dit je suis pris, je dis bah écoute c'est pas grave hein, nous on va juste boire un verre, on va rien faire de mal. Donc du coup elle est venue, puis après bah comme on s'est quand même plus physiquement et tout, du coup je lui ai proposé de coucher de coucher avec elle, elle m'a dit non mais je suis prise. Je dis bah écoute t'as qu'à demander l'avis de ton mec. Et s'il dit oui, bah on fera l'affaire. Ah tu me dis ah bah génial. Eh hey, il est d'accord. Ouais, maman dans ta gueule, il a dit d'accord. Il a dit d'accord, j'ai un petit peu enregistré, donc tu peux pas voir. Guignol, là. Donc y a pas de problème. Quoi? Excuse-moi. Oui. T'as quel âge déjà? Pourquoi? Dis-moi, t'as quel âge? 32. 32, et puis tu vas avec une fille de 19 ans, mais t'es pas un peu fou dans ta tête. Eh bah c'est majeur. Bah ouais, mais dans ta gueule, tu vas voir si elle est majeure. Oh dis donc, on l'a vu pire hein, chez nous. Hein, ah, tu vas voir. Oh dis donc, quand même. Bah moi je suis Arras, c'est toi? Ah bah Pomme. Ah bah Pomme, bah moi très bien. Je vais mettre la fou. Mais pourquoi tu veux venir? Moi j'ai pas envie de faire un truc avec un mec. Ah bah non, mais il faut pas t'énerver comme ça là. Ouais. En plus, tu sais quoi à la limite, parce que si jamais on s'entend bien, parce que moi j'ai un karaoké à la maison là, j'ai une machine spéciale. T'es posé le clown toi en fait. Mais pas du tout. Attends, je te la repasse 2 secondes là. Ouais, passe à moi. Attends, j'allume la machine. Ouais chérie, c'est moi. Ouais chérie, mais y'a pas chérie. C'est quoi ton délire là? Tu connais ces gens ou pas? Hey. Ouais, juste comme ça, moi. Ouais, bien sûr, ouais. Eh Mario, bonjour le clown. Oui. Tu connais c'est Jérôme ou pas là? Ah, you love me. Mais dans dis-moi où il habite. Oh, là, il habite à Arras. T'inquiète, dans une demi-heure, je suis là. Attends, et c'est là tu connais? Mais je ferme sa gueule, mais il est trop bien. Quand elle ne vient pas. Mais en fait, là, il est en train de se foutre de ma gueule quand derrière. Elle veut dire. Ben non, mais si je suis en train de te parler, tu me réponds. Attends, il y a celui-là aussi, là. Bon, on l'a pas vécu aujourd'hui, mais bon, enfin, ça dépend où, hein, mais... Là, vous êtes en train de vous foutre de ma gueule, là, c'est pas possible. Bon, est-ce qu'il est d'accord ou pas? Non, non, il est pas d'accord. Ta gueule, tu vois, tu attends, vas être d'accord. Tout à l'heure, il m'a dit OK. Baisse d'un ton, tout à l'heure, il m'a dit OK. Quoi? Tout à l'heure, il m'a dit OK à Marion, hein. Il m'a dit oui, oui. Okay. Il m'a dit, je vais dire oui. Mais là, il a changé d'avis. Ah non, bah, on change pas d'avis, hein. Quand c'est dit, hein. Guignol. Bon, attends, repasse le moi 2 secondes. Je le repasse. Allô? Ouais. Dis, tu peux retourner dans la cuisine 2 secondes. Mets-moi des glaçons qu'il y a dans le verre, là, des glaçons. Okay. Il est fou, voilà. Lui, non, mais il faut bien en sauter. Je te remercie. Dis-moi. Oui. Comme je vois que le courant passe bien entre nous. Non, pas de ça entre nous. Je voulais savoir, comme j'ai droit qu'à une chance, sexuellement, il y a des trucs qu'elle aime bien ou qu'elle aime pas. Parce que je veux pas rater. Tu vas voir, maman, dans ta gueule, dans ton cul, tu vas voir, tu vas bien l'aimer, ça. Ah, elle aime bien les trucs dans le cul. Non, c'est toi qui vas l'avoir. Ah non, mais je pose la question, moi, c'est parce que je n'ose pas. C'est-à-dire que je veux pas la brusquer. C'est vrai qu'elle est effectivement, elle a 19 ans seulement, tu vois. Donc je voudrais pas, tu vois, qu'est-ce qu'elle préfère? Est-ce qu'elle, le 69, elle aime bien? Ouais, préféré, c'est maman dans ta gueule aussi. Elle préfère le missionnaire. T'as l'air un peu fermé, dialogue en parlant. Moi, je vais te la fermer, tu vois, ça va aller vite. Pourquoi ça irait vite, mais... t'inquiète pas. Bon, écoute, éventuellement, alors, tu peux être là dans une demi-heure? Ouais, t'inquiète pas de soucis. Parce que je te donne l'adresse à ce moment-là, donc si tu peux venir dans une demi-heure, c'est parfait. Toi, mon garçon. Non, ça m'arrange, parce que je vais pas te cacher que d'habitude, quand je fais ça, je paye le taxi aux filles. Bon, après, ça me fait un budget. Ouais. Hein. Donc si tu peux venir la chercher, moi, ça m'arrange. Non, si tu peux venir la rechercher, moi, ça m'arrange. Ah ouais, t'inquiète pas. Bah ça me fait un peu d'économie, quoi. Je vais venir chercher, toi, je vais venir te chercher aussi. Bon, alors écoute, alors donc moi je suis à Arras, t'as de quoi noter? Attends, 2 secondes. Bah vas-y, alors prends. Attends. Tu notes? Ouais, vas-y. Bon, alors R. R. U. rue, je suis pas mongol non plus. Bah, je sais pas, hein. Ouais, t'es pas, tu vois. Bon, alors rue. Ouais. Ok. S. S. T. P. T. T comme. T comme très très con. Ouais, ou comme ta gueule. Oh bah par exemple, je cherchais le mot, tiens, justement. Ouais, ouais. Voilà. Point. Point. Voilà. Je t'ai appelé, hein, ça va aller ? Ouais, enfin, oui. j'ai raccourci le mot, ça ira ? Ouais. Très bien. Bon. C'est alors, comique en plus. Donc alors, S T point. Ouais. D U R V D B. D B. Voilà. T'es en train de me donner ma gueule, c'est une fausse adresse, ça. Bah pas du tout, pourquoi ? Arras. Ah, t'arrives pas à le prononcer, c'est ça ? J'ai eu ça aussi quand je suis arrivé. Ah ouais ? Oh, c'est cool, hein. Ouais, il y avait un problème de prononciation. Bon, enfin bon, écoute, après, c'est une histoire. Bon, alors, ouais, si t'arrives, si tu peux arriver d'ici 30 minutes, mais alors pas avant, parce que j'aurais peut-être pas fini mon affaire. Ouais, d'ici mais... 30 minutes, on est parfait. Eh, au pire, tu sais quoi ? Attends une demi-heure, commence pas ton affaire, tu vois, c'est moi qui vais te la faire, ton affaire. Bah non, justement, comme ça, tu la récupères, hop, je la descends déjà. Ouais. Tu lui dis que son taxi attend, elle te. Et puis voilà. Hein. Ferme ta bouche, espèce de blaireau, va. Ça va encore, hein, il est pas si nerveux que ça. Ouais, ouais, tu vois, quand je suis nerveux, tu vois, quand tu le rends pleine tête, je suis pas nerveux. Non, franchement, je m'attendais à pire, hein, Marion ? Bah ouais, mais oui. Guignol, va. Bah quoi, dis donc, un petit peu de calme ? Ah, tu vois, du calme. Bah oui, un petit peu de calme. Bon, moi, je passe pas mes week-ends à chanter dans des karaokés. Ah bah, qu'est-ce que tu fais ? Au début, tu me dis que tu passes tous les week-ends là-bas avec tes potes. Gars, attends, t'en veux un autre, là ? Sans en attendre. Oh là là. Oh, attends. Rêver d'elle, je rêve aussi. Elle n'a rien fait pour ça. Allez, vas-y, Ludo. On fait à deux. Elle n'est pas vraiment belle. Ça va être la chanson, ça va être très par ton cul. Bah, allez, vas-y, attends, on chante à deux, on fait un duo. Allez, vas-y. Ferme ta gueule, t'es en train d'écouter. Juste pour bon cœur. T'es en train de te foutre de ma gueule, là. Mais pas du tout, attends, mais vas-y, on fait un duo. Ouais. Allez où, là, Marion ? Que les draps s'en souviennent, vas-y. Allez où, Marion ? Attends, bah moi c'est facile, c'est écrit, hein. Voilà, alors vas-y. Je dormais dans son. Ah, le mec, il a des couilles, il veut même pas me parler, hein. Mais ah, si bah, je te parle, on va faire un duo. Ah, t'aimes pas non, la fille ? Attends, alors attends, je vais faire autre chose. Tes filles que j'ai baisées avant. Oh là là, ah, t'as ton Marion toi, hein. Fait partie maintenant. Dansant. Oh ça va, si on peut pas rire 5 minutes alors. Oh là là. Ah bah ouais, c'est très marrant. Ah bah ouais, bah franchement nous on s'est fendu la gueule. Tu vas rigoler quand je vais arriver. Mais non, tu vas pas arriver. Bon, excuse-toi de m'avoir traité de tous les noms comme ça, même ouais, si t'as encore été relativement soft. Mais oui. Bon, tu t'excuses et je baisse pas ta meuf. Mais bien sûr. D'un coup je vais m'excuser, mais bien sûr. Bon, je la baise alors. Ah, tu la baisses pas, j'arrive, bah alors, je te fais le portrait, tu verras. Bah alors excuse-toi et je fais rien. Mais t'es vraiment un bozo, toi, non ? Mais non, mais excuse-toi et je ne fais rien. Non, y'a pas d'excuse, j'ai donc rien. Donc tu préfères que je la baisse, tout ça pour ne pas dire je m'excuse et sauver le couple. Quoi ? Y'a rien du tout. Mais y'a rien du tout, mais je fais ce que je veux, c'est moi qui décide. Ouais, bah oui, mais bien bon, sûr. Bon, allez, excuse-toi et en plus de ça, je ne fais rien et encore en plus, et encore en plus, j'ai une bonne nouvelle après. Ah ouais, oh ouais, bah en plus, deux bonnes nouvelles. Ah bah deux bonnes nouvelles, une doublette. C'était mon anniversaire. Oui, il paraît que t'as été là, t'as été au bar pour le karaoké là pour l'anniversaire. Ouais, bah ouais. Bon anniversaire, ma gueule. Hein. Ouais, merci, hein. Mais tu te fous de ma gueule, toi. Mais non, tu veux que je te mette la musique de l'anniversaire ? Oh là là. Attends, j'en ai une dans le karaoké. Mais toi, t'es un pédophile, non ? C'est pas le rapport, qu'est-ce que tu racontes ? Non, je sais pas, t'as une petite à la place du cerveau, mon garçon. Oui, ça t'en donne problème. Mais c'est pas la même chose, hein. Voilà, bah, bon anniversaire, Lulu, hein. Ouais, ça va, moi je te sers ton anniversaire. Oh là là, tout de suite, c'est agressivité, hein. Ah bah ouais. Bon, Marion. Oui. Bon, je pense qu'il y a rien à faire de plus, hein, malheureusement, hein. Ça c'est... Mais malgré tout, c'est quand même la première fois que je me fais pas insulter violemment. Ouais. C'est vrai, il faut le dire. Bon, Ludo. Ouais. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun. Ouais. C'est le chéri, je peux te faire cocu. Non, c'est une connerie là. Bah oui, c'est une connerie, évidemment que c'est une connerie. Et sinon, t'inquiète pas, je me serais déjà fait Marion là. Bon, Marion. Oui. Ça va, tu m'as dit que c'était un nerveux et tout là. Ça a été encore, il s'est retenu, hein. Là, il a été calme. Bah oui, c'est dommage. Pourquoi tu t'es resté calme ? Bah Ah, parce que je t'aurais eu en face de moi, j'aurais été moins calme. Oh, pas. Je t'aurais mis une patate. Oh, bah, t'aurais pu essayer. Ah, j'aurais lâché Toff pour voir comment tu te défends. Oui, c'est ça, oh, c'est bah, toujours moi d'abord. Pas de problème. Bon, Ludo, bah du coup, on va filer le cadeau à Marion, alors, hein, évidemment, normal. Hein. Non, parce qu'elle a un cadeau pour avoir fait une connerie comme ça. Bah oui, évidemment. Bah, c'est le but. Bah évidemment. On va te filer l'iPad mini, du coup, Marion, d'accord? Ouais, trop bien. Ouais, je t'en prie. Ça sera pour moi l'iPad. Même pas en rêve. Tu ne touches pas d'ailleurs, il sera configuré uniquement pour qu'il fonctionne avec les doigts de Marion. Ouais. D'accord. Trop bien. Complètement. Bon, gros bisous tous les deux en tout cas. Ouais. Vous revenez quand vous voulez. Gros bisous. Bon allez, vas-y, il y a une seule personne, choisis la bonne. Allez vite à Marine. Voilà. Ah t'as vu hein, espèce d'enfoiré va. Ouais, ça c'est quand on vient du nord ça. Ouais. Quand on vient d'Arras, quand on vient de Bapom, on se la ramène. Bapom, c'est ridicule. Bon allez, salut on tous les deux. Une tarte avec du Bapom ou pas? Bien sûr, une double tarte aux pommes, pas de problème. Salut, à bientôt. Salut, à bientôt. Bon et on refera aussi un petit chéri, je peux te faire cocu, bien entendu, le lundi, hein, ce sera lundi, à partir de 23h si vous voulez vous inscrire, n'hésitez pas, 01 42 48 5000 et 02 851 4x0 depuis la Belgique, il y a Mick 10-350 qui dit le roi Michel qui négocie toujours aussi bon. Il y a Jojo 78 qui dit ferme ta gueule, t'es en train de m'exciter. Jong aussi, je m'en lasserai jamais des chéris, je peux te faire cocu. Il y a Maminova qui dit cette voix de pingouin. Bah t'as vu comment il m'a traité? Voix de pingouin, il m'a dit, c'est un truc. Ouais, scandaleux, c'est scandaleux. Ah oh, putain, parler la violence. Comme ça de Michel, c'est honte. Bah oui, c'est une honte. Bon, allez, on va s'écouter le son de Rebel et Sydney House avec Black Pearl. Juste après, on terminera avec Jordan et avec Damien. Et puis on va se faire aussi Polo Against the Rest of the World sur Fun Radio 1h54. Bienvenue si vous arrivez. C'est Mickaël No Limit, si vous êtes là par hasard, eh bien sachez que vous avez certainement trouvé la bonne radio. Si vous étiez peut-être, je sais pas, un auditeur errant comme ça sur des radios merdiques avec des émissions en bois, eh bien sachez que nous sommes là, nous accueillons tout le monde. Du trou du cul au plus intelligent, tout le monde est le bienvenu sur Fun Radio dans Mickaël No Limit. 23h, 2h tous les soirs de la semaine, 20h minuit le dimanche, Rebel Sydney House, je l'ai promis. Eh bon, on se le met maintenant, c'est Black Pearl au cœur de la nuit sans pub sur Fun Radio. Le son de Black Pearl, c'était Rebel et Sydney House à l'instant sur Fun Radio. Et avant de faire Polo contre le reste du monde, on va terminer avec Damien et avec Jordan. Damien qui nous avait appelé. Oula, Jordan. Oui. T'as le haut-parleur ou le kit main libre là, non? Non, pas du tout. Ah d'accord, parce qu'il y avait un son bizarre, mais là ça a l'air d'aller mieux. Bon écoute, Damien qui nous avait appelé parce qu'il veut demander à sa copine de coucher avec. On lui a dit qu'il fallait pas le faire, il fallait attendre, etc. qu'elle soit prête. Et Jordan, le Stéphanois, 20 ans, sois le bienvenu Jordan. Merci. Tu voulais donner ton avis aussi par rapport à tout ça, toi? Ouais. Donc, moi. Ah bon, t'écoutes? Non, vas-y, on t'écoute. Je pense qu'il faut pas qu'il se prenne la tête. S'il y a quelque chose qui doit se passer, ça se passera tout seul. De toute façon, faut qu'il s'arrange avec, là, pour se trouver avec elle dans un lit. Et puis, honnêtement, tu descends les mains et puis ça passe tout seul. Hein. Oui, on va voir ça comme ça. Là ouais. Où il faut, au moment où il faut. Et non, ouais, mais voilà, il faut pas forcer quoi. C'est-à-dire que même pas demander dans l'absolu, hein, ça viendra ouais, comme ça viendra. Comme ça viendra. Je l'ai déjà fait, mais bon, c'était des plans cul. Donc les meufs, je les appelais, ouais, t'es chez toi, vas-y, viens en baise, et puis basta. Oui, mais voilà, ouais. Justement, elle, comme c'est pas un plan cul, et qu'en bah plus oui, elle l'a jamais fait, effectivement, faut faire attention, quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Parce que n'oublie pas qu'elle se souviendra normalement toute sa vie de ta gueule de con, hein. Si jamais tu couches avec elle. Bah oui, mais donc faut pas faire n'importe quoi, la pauvre. Bah ouais. C'est comme Toff quand il dit plus à une meuf, je la plains quoi. Toute sa vie elle va se souvenir de cette tête de merde. Elle va avoir cette gueule de merde en train de baver. Quoi. Et toute cette lèpre. C'est vrai. C'est un drame. Enfin bon. Donc fais attention Damien. Ouais. Bon, d'accord. Tu nous tiens au jus? Pas de problème, je vous rappellerai. Bon, ça roule, ça marche. Salut Damien, merci Jordan d'avoir appelé. Merci, bonne soirée. Vas-y Damien, en speed et à une seule personne, choisis la bonne. Vas-y, je fais une dédicace à ma chérie. Très bien, eh ben, le message est passé, il n'y a pas de problème. En même temps, s'il écoute comme ça, il est tout jus. Hein. Côté positif. Non, elle écoute même pas. Ah bah ça valait bien la peine de lui passer une dédicace. Il y a un truc que je me demande, pourquoi est-ce que vous passez des dédicaces quand vous êtes certain que la personne à qui vous adressez, enfin à qui vous donnez la dédicace, n'écoute pas? C'est bizarre. Ouais. C'est dingue. Ouais, c'est bizarre. Je comprends pas. C'est l'humain. Je comprends pas. C'est la connerie humaine. C'est dédicace à ma mère. Bah, je sais qu'elle écoutera pas. Tu vois, à 2h du mat, je sais qu'elle roupille, donc je vois pas l'intérêt. Je sais pas. Bah, j'ai jamais fait de dédicace de ma vie, moi. Bah ouais, je sais pas. Enfin, en parlant, je voulais faire une dédicace. Et bah, va te faire enculer. Avec plaisir. Bon, Damien et Jordan, merci d'avoir appelé. Vous revenez quand vous voulez, tous les deux. Pas de soucis, merci. Bonne soirée. À bientôt, ciao. Et puis, bah, 2h tout pile. Tiens, c'est parti maintenant. Passons à cette grande, énorme émission qui est Polo Against the Rest of the World. C'est pas celle-là. Mais ça, c'est l'intro. Ah, d'accord. Bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Que dire, j'ai un nouveau générique, j'en suis très fier et on va commencer tout de suite avec Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, on t'écoute. Bonsoir Polo, voilà. Bonsoir Jean-Baptiste. En ce moment, ouais. Je vais te faire des blagues. Non, mais je t'ai rien demandé moi, Jean. Allô. Ouais. Ouais, comment il va Polo? Il va bien. Et toi, tu vas bien? Ouais, tranquille. Bon, vas-y, dis-moi. Mène-toi là. On n'a pas que ça à foutre là. Non, je voulais savoir juste comment tu peux draguer des filles avec ta gueule que t'as. Ah, et ben c'est un truc que t'auras jamais, ça s'appelle le charme et le talent. Tu comprends, espèce d'enculé? Allez, casse-toi. Marvin, le retour, explique un peu ton histoire, Marvin. Qui es-tu, Marvin? Dis-nous tout. Bonsoir, Polo. Bonsoir, Marvin. Explique-toi, allez, vas-y. Ça fait 2 mois que j'appelle, ouais. Justement, pour le Polo contre le reste du monde. Ouais. Polo against the rest of the world. Pour nos amis anglophones qui nous écoutent. Donc oui, ça fait 2 mois que j'appelle et tu me dis de revenir tous les jours parce que moi c'est la vieille blague, donc la blague de merde. Ouais, et pourquoi je te fais venir tous les jours, Marvin? Parce que... Tu m'aimes bien. Eh ben voilà, allez, casse-toi. Chaimo, bienvenue dans Polo contre le reste du monde. Salut Polo, ça va? Ouais, et toi Chaimo? Ouais, tranquille, j'appelle parce que je voulais faire un chéri, je peux te faire cocu à mon copain. D'accord, et on va l'appeler dans quelques instants, Chaimo. Ouais, d'accord, pas de soucis. Bon, attends, je vérifie, j'ai mes sons. voilà, j'ai tous mes sons, on y va. Est-ce que tu es prête, Chaimo? Parfait, je suis prête. Parfait. Donc n'hésite pas, est-ce qu'il a des défauts physiques? Bah, il est chum, quoi. D'accord. Mais je l'aime. Ok, on y va, Chaimo, t'es prête? C'est parti, on l'appelle. Allez, on l'appelle. J'y vais, je commence, hein, c'est ça, Polo? Ouais, oui, c'est ça, c'est le principe, okay. du... Ça y est, on l'appelle. T'enchaînes et après j'enchaîne. N'hésite surtout pas, puis... Ouais. Ouais, allô, m'amour? Ouais, chérie, ça va? Oui, ça va, et toi, t'as pris tes médicaments? Pourquoi tu m'appelles en privé? Ah bah, j'ai pas fait attention, c'est mon portable qui doit être... qui doit pas être bien... bien branché. Bien en branché. Fait, je t'appelle parce que... Bah, je suis pas chez moi. Ah bon? Voilà. Bah, alors, je suis chez un copain qui s'appelle Michel. Il a dit quoi? Attends, ouais. Michel, attends. C'est Michel, ouais. C'est Michel. Voilà, c'est Michel. Donc voilà, en fait, c'est pour ça que je t'appelle en masqué, parce que je t'appelle avec ton téléphone fixe. Ouais. Tu peux pas fermer ta gueule. Attends. Je comprends rien de ce que tu dis. Oui, t'as pris trop de médicaments encore ce soir, je crois, chérie. En fait, je voulais savoir si c'était possible que... mais je te demande avant, hein, juste pour un soir... Il a dit quoi? Je veux te faire cocu. Tu veux faire quoi? Attends. Si je pouvais, bah, me le taper, en fait. Ouais, attends, je vais le prendre, là. Chaimo, tu peux aller me chercher un coca zéro avec plein de glaçons, s'il te plaît? J'y vais, maman. Allez, vas-y, grosse salope, va. Le dépressif? Ouais. Ouais, en fait, je voulais te poser une question là, parce qu'en fait, on a l'air de bien s'entendre, on est un peu potes là. Il y a des choses qu'elle aime bien. Rieur. Il y a des choses qu'elle aime bien un peu là, se faire enculer, des trucs comme ça quoi. Bah, je sais pas, mais toi, tu me conseilles quoi? Parce que du coup. Non, mais le dépressif. Voudrais... Ouais. C'est une question que je te pose là, parce que là, je vais la fourrer là dans quelques instants. Bah, moi aussi, je voulais savoir, tu crois que c'est mieux si je me jette par la fenêtre? Attends, elle arrive. Chaimo? Oui, Là, je te le repasse là. Oui, chérie. Ouais. Oui, non. Enlève tes lacets, enlève-les. Ouais. Ouais, je demandais à ton pote là, tu crois que c'est mieux si je me jette par la fenêtre ou si je m'essaye de m'étouffer avec le gaz? Non, tu sors, on n'a pas le gaz, chérie, à la maison. Tu sors par la porte et tu vas voir la voisine. Et tu lui demandes qu'elle appelle le SAMU. Social. Je crois qu'il y a une chèvre à côté de toi. Chérie, sors de la maison. Va sonner chez la voisine. Qu'est-ce qu'il dit? Attends. Ouais. Tu crois que ça risque quelque chose par la fenêtre parce que... Non, je suis en habit trop bien, tu vas pas te faire mal. Tu feras pas mal. Bon, allez, on lui dit là, Chaimo, tu lui dis. Allez. Bon, m'amour. Oui. M'amour, ne saute pas. Reste assis. Ne t'inquiète pas. C'est trop tard. Non, c'est pas vrai. Je t'aime, mon amour. Ne saute pas. Ne saute pas. Bon, le dépressif, c'est Michel. Oui. C'est Michoul. Oui, je suis raté, Michel. Non, t'es dans Polo contre le reste du monde. Bon, elle est de Gaulmont, cassez-vous de là. Bon, Jean-Bapt. Oui. Ouais, je t'écoute. Alors, pourquoi les Belges vont à l'église avec des boules pieds? Mais j'en sais rien. Parce que Jésus-Christ. Il est con, celui-là. On va conclure ce Polo contre le reste du monde extra exceptionnel ce soir avec un chéri, je t'ai fait cocu extraordinaire, c'était magnifique, j'ai adoré. Jean, conclusion s'il te plaît. Ouais, bah, franchement, vous êtes de grands malades, il est trop fort. Ouais, je te remercie, allez, dégage d'ici, on s'en fout de tes compliments. Jean-Bat. Oui, Polo, pourquoi les Belges vont faire du shopping avec de l'eau? Je sais pas. Pour payer en liquide. Ah. Jean-Bat. T'as chier. Oh, tout le camp d'ici. Marvin, conclusion, tu reviens demain pour faire ta blague, ok? Attends, c'est Chaimo ou Chameau? Ça te regarde pas, dégage d'ici. Allez, Chaimo, conclusion, s'il te plaît. Bah merci pour l'iPad mini, c'est cool. De rien, mais en fait, t'auras rien, en fait. Je te offre pas de cadeau. Tu veux pas un CD? T'auras l'iPad mono. Tu veux pas un CD? Un CD de quoi? Yves Montand. Ah ouais, bah vas-y, c'est tout. Eh bah voilà, t'as gagné. Bah pour mon chéri, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est bon. Allez, fera plaisir. Allez, ainsi se termine ce Polo contre le reste du monde. Merci à ceux qui participent. Et merci surtout à ceux qui ne l'écoutent pas, car grâce à eux, tous les soirs, je suis numéro 1. Et ça, ça fait plaisir. But in your world. Yes, in my world. Of course, évidemment. Polo against the rest of the world qui revient demain. Voilà, demain en pleine forme, évidemment. Voilà, si vous voulez participer à cette grande émission, n'hésitez pas, bien sûr, à ne pas nous appeler. Bon, on va se faire le top tweetos maintenant, et puis on va se faire le générique de fin, comme tous les soirs, évidemment, avant d'envoyer le son Dance Floor non-stop jusqu'à 6h du mat. Alors, on va donc faire un tour du côté du top tweetos. Quel est le numéro 5? Jojo. Numéro 4. Nadia Le Prince. Numéro 3. Fred S34. Numéro 2. Ji Jong, machin. Non, c'est Jong toujours. Et numéro. Non, il y a deux J. Donc oui, c'est Jong. Et numéro 1, le Bosniakov. Le Bosniakov qui a déjà gagné. Donc c'est Jong, je crois qu'il n'a pas encore gagné, non? Est-ce qu'il n'a pas gagné hier, Jong? Je crois pas, non, on me dit que non. Donc c'est Jong. Voilà, c'est Jong, le coréen, hein, qui repart donc avec son sextoy. Offert par passage du désir.fr. Ce qui est bien, c'est qu'il va repartir avec un truc qui vient de chez lui. Oui, c'est. Voilà, parce que ça vient d'Asie. Il y a les sextoys, ils arrivent ici, puis on va leur envoyer là-bas, donc c'est bien. Et ben voilà, comme ça au moins il l'aura eu, il n'y a pas de problème. Bon, on va se faire le générique de fin maintenant. Attention, c'est parti. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Tu bouffes des bites, t'offres te sucer, toi l'enculé. T'es un enculeur, t'encules ton nom, qu'il y a vraiment personne qui encule comme toi. Ferme ta gueule de merde, toi l'enculé. Car c'est toi qu'encule ton nom, que t'es un enculé. Tu ne peux plus dormir ou bien manger, car t'encules ton nom toute la journée. Eh hey man, je t'ai mort, gros pédé, je vais t'enculer, fils de putain de bâtard, t'es mort. Va. T'es en forme, lui. Hein. On m'a appelé? Oui, à mon avis, oui. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe ici? Je nique ta mère. Que veux-tu? Ils sont canadiens. Et moi, je te dis que toi, t'es un con. Un gros pédé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Toi, l'enculé. Ferme ta gueule de merde. Toi, l'enculé. Tu bouffes des pitofs, te sucer, toi l'enculé. T'aimes tellement ça te faire enculer. Et toi ton oncle c'est un enculé. Oui tous les deux, on est des enculés, c'est vrai. Et ben voilà, une bonne chose de faite. On va se retrouver demain, évidemment, en pleine forme, à partir de 23h, hein, pour la dernière de la semaine. Déjà la dernière de la semaine. Oh là là là, c'est trop triste. Allez, vite passer, je vous le dis, moi, effectivement. Bon, ben, rencard demain à partir de 23h. Ben, merci, Jade et la copine. D'ailleurs, on ne sait même pas comment elle s'appelle, la copine. Du coup, tu ne nous as même pas présenté. Comment s'appelle la copine? Mais elle a un mec, elle veut pas le tromper, ça sert à rien. Julie, voilà, très bien. Donc, Jade et Julie. Qui sont passés? Toff qui va faire quoi ce soir? Bah rentrer seule comme d'hab puisqu'elle a un mec donc Ah bah oui. Mais non, rentre avec moi. Avec nous. Avec plaisir. Ça petite kékette en train de frétiller. Je frétille. Il a déjà la gaule. Bon, Polo, la bonne nuit aussi, hein. Bah merci à toi. Bah voilà, ils sont bons, qui va faire? Je rentre chez moi. De l'aquagym. De l'aquagym, évidemment. Dans la Seine. Voilà, c'est ça, très bien. Allez, le son Dance Floor en non-stop, c'est jusqu'à 6h du mat. Merci d'avoir été là ce soir. Merci à Laura qui était là. Il y avait aussi Drakid qui voulait qu'on passe Fall avec Changes. Ah oui, je l'ai pas, la Fall Wad. T'aurais dû me demander plus tôt, là. Il y a El Pocho qui est de retour également là-bas. Salut El Pocho. Mick 10350. Il y avait Tatoubi qui est également qui était là. Il y avait Super Lulu, Jérémy Titi, Jojo. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Fred S34, bien entendu. Mami Nova, etc., etc. Merci. Merci en tout cas d'avoir été aussi nombreux ce soir. On se retrouve demain en pleine forme à partir de 23h. Salut, salut tout le monde, à demain. 23h, 2h. Mickaël, nos limites. Sur Fun Radio.